Et puis, c'est vrai. Ce qui fait qu'il ne va pas trop au fond. Mais il veut vraiment faire un flat parce qu'il n'y a pas le choix. C'est pour absorber sa chute. Tout à fait. Ça s'est déroulé à l'Université norvégienne de Trondheim. Et puis, le professeur Splash est originaire du Colorado et a l'habitude de parcourir le monde entier pour ses tentatives. Ainsi, il a réalisé des records aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Japon. Et puis, mais maintenant, il peut ajouter la Norvège à son périple le plus intense, je dirais. Ben là, en ce moment, je suis en train d'observer le vidéo. Il n'est pas encore sauté, puis je peux pas croire qu'il va sauter d'une telle hauteur. Je m'excuse, mais 11 mètres, c'est extrêmement haut. 11 mètres, là, c'est près de 40 pieds de haut. Là. À peu près 40 pieds de haut. J'ai déjà fait du rappel d'une tour de 50 pieds de haut et j'avais la peur de ma vie. J'étais attaché, genre. Ouais, exactement, j'étais attaché, mais c'était, par exemple, une expérience intéressante. Ça m'a permis de vaincre mes peurs, sauf que je pense pas que j'irais vaincre mes peurs jusqu'à effectuer une cascade comme celle-là. En plongeant comme ça en légumes, je vous le dis, allez voir ça. Ça vaut la peine, ça frappe. Tout à fait. Sauf que là, je trouve qu'il est long avant de sauter. OK, là, mais tu peux avancer un peu ton curseur. Là, ça... Ah, il saute! Oh! Mais il fait ça comme un chef. C'est magnifique! Chef. Mais c'est malade, là. Je vous dis, c'est à voir. Là, on en parle comme ça, c'est pas aussi écœurant, mais bon. Non, mais c'est à voir absolument. Tout le monde s'est commencé sur la page Facebook du Dîner de con. Il faut absolument voir ça avant de mourir. C'est indispensable. C'est sur la liste des 10 choses à faire avant de trépasser. Ouais, parce que lui, peut-être qu'il va. En tout cas, peut-être le perdre bientôt. Ben, je veux dire, ça a l'air d'être un genre de Steve Irwin. Un moment donné, ça va être une cascade insignifiante, puis ça va mal tourner. Eh oui. Et puis, tant qu'à être sur la page Facebook du Dîner de con, je vous invite à aller voir un petit vidéo, celui-là, moins impressionnant, mais quand même, c'est un Mario Kart, finalement. Rémi Gaillard, qui s'appelle aussi N'importe qui, aka N'importe qui, okay. Qui récidive la transposition de Mario Kart dans le quotidien en affrontant la consternation de ses semblables, donc patrouille de police, banane, il lance des bananes aux autos. Oh, j'avais déjà vu, c'est très amusant. Mais c'est un nouveau, celui-là, qui vient poster, qui dit. Ah oui, bon, un nouveau... Bon, en tout cas, j'imagine, peu importe. Tant mieux, ben, s'il peut poursuivre ses expériences, mais d'une fois à l'autre, j'ai l'impression que ça le mène toujours en prison, là. Ben, c'est ça, hein, et puis, en tout cas, c'est quand même drôle à aller voir tant qu'à... Si vous avez 10 minutes, 5 minutes à perdre. On va rester dans le monde du coin hétéroclite, hein. Excuse-moi, c'est parce que je suis en train en même temps de l'écouter, puis c'est vrai que c'est drôle quand il lance les bananes. Ben oui, il y a des voitures. Vrais bruits de Mario, puis tout. Puis c'est assez bien fait, sauf que soit ça a été fait sur... Ah non, il y a une police qui court après. J'ai vraiment l'impression que... Il aime le trouble, exactement. Il y a un gars qui a fait la même chose à Québec. Il s'appelait Darth Vader. Il avait un casque de Darth Vader, puis il joue avec les policiers comme ça. On sait que c'est... On recommande pas aux auditeurs de le faire. Ça peut être extrêmement dangereux. On sait que ces temps-ci, les policiers sont un peu nerveux. Ils abattent assez facilement les gens qui rentrent en chasse à l'homme. Donc, soyez prudents et surtout, soyez sages. En tout cas, allez voir ça si au moins vous êtes pas prêts à le faire, mais au moins voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Une femme qui naît avec 14 orteils et 12 doigts. Elle en a plus qu'elle en a de besoin. Eh bien oui, c'est une enfant birmane née en novembre 2009 qui est lors de sa naissance de sa fille en novembre dernier. Fio Min Cho, une mère birmane, a été surprise de la particularité de son anatomie. En effet, la Yandi Min possède 14 orteils et 12 doigts. D'abord interloquée, la mère tente aujourd'hui d'inscrire cette différence peu banale dans le livre des records Guinness. Lorsque ma fille sera mentionnée dans le livre des records, je serai très heureuse, explique-t-elle. Et puis, à noter que l'anomalie constatée sur l'enfant de 4 mois est d'autant plus étonnante qu'aucun antécédent n'a pu être trouvé dans la famille. Même la grande sœur de Lei Meng Ni est née avec un nombre normal d'orteils et de doigts. Et puis, tout le monde. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça arrive pas, ça, au Canada. Hein, ça arrive en Birmanie, en Inde. Il habite à côté d'une usine nucléaire. Ouais, peut-être. Soit ça, ou soit. Je sais que là-bas, ils ont une espèce de culte de ça. Ouais, quand t'en as trop, c'est bon signe. Bon, donc, je sais pas s'ils ont cherché à favoriser ça d'une façon quelconque. La sélection naturelle pour avoir plus de membres. Une chose qui est sûre, c'est que ça ne fait que renforcer l'image d'exotisme que j'ai de ces pays d'Extrême-Orient. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Stéphanie Gagné, ton plat favori, bonjour. Très bonjour. Bonjour.

l'amour traînait au coin de la rue. Et moi je t'ai reconnu, tu m'as souri et j'ai fondu. Depuis notre chanson continue. Et quand la neige est revenue, à la même bouteille on a bu. On s'est collé devant une vue. Et les grands froids sont disparus. Les saisons passent sur nos amours. C'est le bonheur facile alentour. Et sans casse-tête ni tambour, j'espère qu'on va s'aimer toujours. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Et j'espère qu'on va s'aimer toujours. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Et j'espère qu'on va s'aimer toujours. Vincent Vallière avec la pièce L'amour au coin de la rue. Et juste avant, c'était The Stills avec Still in Love Song de leur album Logic Will Break Your Heart. Et voilà, c'est dans le plat favori de Stéphanie Gagné. Le plat favori de Stéphanie, d'habitude, il y a une suite à ça, le dessert délicieux de Mathieu et les crudités de François-Olivier. Mais aujourd'hui, pas le temps pour ça, Steph. C'est malheureux. Que du toi aujourd'hui. Gardez ça pour la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Bye! Bye! Ça va être lundi prochain à 8h10 pour Take Me Out et 8h30 pour ton plat favori. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On nous propose les 10 couples les plus insensés. Ah ben tant mieux, j'ai hâte d'en entendre parler. J'en envoie comme ça. Un jeune Australien a décidé de s'unir avec sa chienne et de témoigner son amour du plus pur envers son animal. C'est de la zoophilie. Ben c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc c'est en décembre dernier, un résident de Toowoomba en Australie a décidé de se marier avec sa chienne Honey. Et pour cela, Joseph Guizot a organisé une cérémonie avec des amis, de la famille, pour officialiser leur union avec l'animal à l'intérieur du parc Laurel Blanc. Selon le quotidien The Chronicle, la cérémonie a été très émouvante. Le jeune homme aurait déclaré à sa compagne, tu es ma meilleure amie et tu rends chacun de mes jours meilleurs. L'homme n'admet n'avoir aucune relation sexuelle avec l'animal et assure que c'est seulement pour célébrer un amour des plus purs qu'il a décidé de célébrer cette union. Bon, je trouve ça discutable. Tout à fait, c'est pour ça qu'on en parle. Bien sûr, on parle de Hugh Hefner, propriétaire de Playboy. Oui. Un couple avec 60 ans d'écart. Donc, Hugh Hefner, le célèbre fondateur, bien sûr, de la marque Playboy, va bientôt se marier avec une jeune playmate de 24 ans, âgée, lui, de 84. Il est de 60 ans. Son aînée, Crystal Harris, est celle qui aura l'honneur de dire oui au célèbre homme d'affaires. Déjà divorcé plusieurs fois, il n'a jamais caché son amour pour les jeunes playmates. Il va donc franchir le pas et se marier avec encore une nouvelle fois. Il déclarait récemment sur son compte Twitter « Quand j'ai donné la bague à Crystal, elle a éclaté en larmes. C'est mon plus beau souvenir de Noël. » Hugh Hefner vit actuellement avec sa future femme et ses deux jumelles, Carissa et Christina Shannon, nées d'une précédente union. Ben, j'imagine. Hein? Il vit avec ses jumelles qu'il a eues. En tout cas. Ben, OK, continue, mon homme. Mais peu importe. Lui, c'est quoi? Mais en fait, vas-y. L'amour, ça n'a pas d'âge. Ben non, je sais, c'est clair, c'est bien parfait comme ça. C'est ce que ça nous prouve encore, hein, parce que c'est évident que c'est une histoire d'amour. Ben oui, c'est de l'amour solide. Ils se marient 5 fois en 1 an. Donc, un couple d'anglo-saxons s'est marié 5 fois en 1 an pour faire plaisir à tous les membres de leur famille. Donc, en 2008, Simon Harris et Ryan Fenney se sont dit oui 5 fois en moins de 365 jours. Les deux anglo-saxons voulaient faire plaisir à chaque famille sans être jaloux. Sans faire de jaloux, et donc ils ont essayé de se rendre un peu partout sur la planète là, parce que la famille était très dispersée. Okay, c'est une famille internationale, donc. Genre. Bon, ben au moins c'est avec la même personne. Hein. Ouais. Mais j'ai déjà vu dans le livre des records Guinness 1993 que la plus courte union, je pense que c'était un truc comme 2 heures, ils s'étaient mariés puis ils s'étaient engueulés, fait qu'ils s'étaient comme aussitôt divorcés. Ah, OK. Puis il y a aussi eu un mariage, je pense que c'était des quintuplés. Qui se mariait avec des quintuplés. Ah. Fait que t'avais 5 frères qui se mariaient avec 5 sœurs. Donc, on dirait que c'est arrangé, ça. Ben, d'après moi, il y en a peut-être 2-3 qui s'aimaient, puis les autres, ils se sont fait donc, mettre un peu... Donc. Ah oui, donc, Marie-Laure, elle est pas si lette. Elle est pas si lette. Elle est un peu plus grosse que sa sœur, là. Mais là, sur le bicycle. Donc, celui-là, on reste, c'est quasiment les quintuplés. Celui-là, c'est le... On forme le plus grand couple du monde. C'est les Hallquist qui sont détenteurs du record du plus grand couple du monde, puisqu'ils cumulent à l'eux deux 4,7 mètres ensemble. C'est deux très grandes personnes. Donc, c'est en novembre dernier, ça aussi, que Laurie et Wayne Hallquist ont été officiellement déclarés plus grand couple du monde par le Guinness des records. Ils mesurent à eux 4,7 mètres. Donc, 2,9 mètres pour monsieur et 1,98 mètres pour madame. Hein? Quand même, c'est un grand couple. C'est des grandes personnes. Ça, c'est clair que c'est pas des nains. les 10 couples, OK. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, les objectums sexuels-hommes, ou je sais pas quoi, là. Ouais. Tu te rappelles, on avait... Ah, t'étais pas là, c'est avec André qu'on faisait ça. Dans notre chronique sexe, l'année passée, on apprenait que certaines personnes étaient tombées amoureuses d'objets. Okay. Et là, c'est un jeune Coréen qui a décidé, en mars 2010, d'officialiser sa relation avec un coussin, avec son oreiller, finalement. Il s'appelle Lee Jing-gyu, qui est un Coréen qui a décidé récemment d'épouser son oreiller. Il a organisé toute une cérémonie de mariage pour dire oui à Fate Testarossa, l'héroïne de son manga préféré, qui a un, c'est une tête d'oreiller par-dessus, finalement. OK. OK. Bon, passons. Marier un oreiller. Mais le gars, il est vraiment geek. Je trouve ça d'un pathétisme ben, admirable. Ça, là, tu vois, c'est admirablement pathétique. Oui, tout à fait. Et celui-là, c'est le titre qui est amoureux. Admirable. Le titre, c'est « Il épouse sa chatte ». Ah ben oui. Hein, c'est... Mais ça, il y en a plusieurs qui ont épousé la chatte de leur conjointe. Un célibataire allemand donc de 39 ans a décidé en mai dernier de s'unir à son animal de compagnie, donc une chatte. Yui Mischerzlitz, donc 39 ans, est un Allemand qui possède une chatte de 15 ans. La pauvre bête étant souffrante, le célibataire a décidé de s'unir à elle avant qu'elle meure. C'est super. Bon. Mais ils disent tout le temps qu'il n'y a pas d'affaire de sexe là-dedans. Mais pourquoi tu te maries avec, toi? En tout cas. Moi, d'après moi, il y a toujours un petit quelque chose de dévissant à quelque part. Oui. Parce que, je veux dire, moi, j'ai un animal de compagnie, puis je n'ai vraiment pas envie de me marier avec. Non. Aller le promener. jouer aussi, tu sais, courir, puis lui, il court, là. Batifoler. Batifoler, déjà, je trouve ça peut-être un peu trop proche d'aller. Non, mais c'est comme si tu tournerais dans le gazon avec lui. Ben non, je ne vais pas jusque-là. Je sais pas. Je dois avoir une relation assez platonique avec mon animal de compagnie. Je pense que c'est plus simple de cette façon-là. En effet, Danny, en effet. Et ici, on s'en va en Syrie. Deux jeunes Syriens de 5 et 3 ans se sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Et puis les parents ont décidé de les fiancer. Allah et Khalid sont deux jeunes Syriens âgés de 5 et 3 ans. Les deux jeunes enfants se sont rencontrés lors des dernières vacances familiales. Ils ont tombé follement amoureux l'un de l'autre. Hein, quand même. Bon, ben, je sais pas. J'ai pas d'opinion sur le sujet. Moi non plus, pas d'opinion sur le sujet. Surtout dans ces plates et dans ces pays, il y a tellement de mariage arrangé que bon. Ouais. Plus vieux couple d'Europe, cette fois-ci. Donc, hey, celui-là, tantôt, on avait 78 ans de vie commune. Ceux-là, 80 ans de vie commune. Ambil et Angelo Minato sont d'origine italienne et vivent actuellement dans le Lot. Ils cumulaient en novembre dernier plus de 200 âges à eux deux et puis sont considérés comme le plus vieux couple d'Europe. Ils sont nés en 1909 et se sont mariés en 1929. L'autre s'était marié en 1932. Donc on voit, c'est le plus vieux couple d'Europe d'après le Guinness des records. Je lisais tu sais les trucs noces de papier, noces d'argent et tout, puis il y en a qui n'ont jamais encore été atteints, là, des noces de certains matériaux. De platinum. Je ne sais pas exactement lesquels. Au pire, je pourrais même arriver plus tard dans l'émission avec la référence exacte. Avec le 78 puis le 80 que j'aimerais savoir. Oui, bon, ben, je vais aller vérifier ça pour toi, Danny, et je te reviens avec ça. Parfait. Et puis, il en reste seulement deux petits couples comme ça, assez spécial. Une femme se dit oui à elle-même. Chen Hui est taïwanaise et veut respecter la tradition et pousse les femmes à se marier, mais n'ayant toujours pas trouvé l'âme sœur, elle a décidé de s'épouser elle-même. Donc, bravo. J'espère que tu t'auto-satisfais très bien. Une grand-mère et son petit-fils veulent un enfant ensemble. Comment? Répète, là. Une grand-mère et son petit-fils veulent un enfant ensemble. OK, ça, c'est profondément déjanté. Et puis, la photo est assez déjantée. Donc, un couple étrange, une grand-mère et un petit-fils qui souhaitent solidifier sa relation en mettant au monde un bébé. C'est horrible. Pearl Carter a 72 ans et son petit-fils Phil Bailey a 26. Ce dernier a rencontré sa grand-mère après le décès de sa propre mère. Le coup de foudre a été immédiat, si bien que tous les deux sont amoureux l'un de l'autre. Malgré le tabou qui entoure leur relation, les commentaires désobligeants dont ils font l'objet, ils ont décidé de fonder une famille ensemble. Dès le premier instant où j'ai su que nous n'aurions jamais une relation de petit-fils à grand-mère. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie sexuellement vivante. La dame explique ça. Elle a appelé horrible. Phil dans sa chambre. Il s'est assis sur le lit. Je me suis penché, je l'ai embrassé. Je m'attendais à ce qu'il me rejette, mais il a continué à m'embrasser. OK. Elle justifiait donc leur envie de faire appel à une mère porteuse. Je ne m'intéressais pas à l'opinion des autres. Je suis amoureuse de Phil. Il est amoureux de moi. Bientôt, je pourrai tenir mon fils ou ma fille. Il sera le papa. Mais son fils, il va être quoi? Il va être son petit-fils, en même temps son arrière-arrière-arrière-petit-fils? En fait, son fils... Ben, il va être son arrière... va se trouver à être son propre beau-père, genre... Ben, au son fils va être son propre, son fils va être son beau-père à son père, comme. Oh oui. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça crée une situation qui est totalement inacceptable et monstrueuse. Et donc. Hey, t'as dit tantôt qu'on pouvait pas empêcher un cœur d'aimer. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que l'amour avait pas d'âge, mais il y a quand même des limites à ne pas outrepasser pour rester dans ce qu'on pourrait appeler le bon goût. Ben, le bon goût, là, si tu verras, madame, on parle pas de bon goût. Non, mais je vais mettre la page sur Facebook. Ça vaut la peine. C'est assez... Même nous, c'est fou, des fois, ici, dans le Dîner de cons, on peut être un peu décontenancé. Même nous, il y a des choses qui nous surprennent encore. Oui, exactement. Donc, 11h50, hein, après avoir parlé de ce top assez... Ben, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant. Sauf que là, ici, j'ai les références là, pour les... Oui, les noces de 80 ans. Oui, exactement. Et donc, à 80 ans, on apprend que c'est des noces de chêne. Des noces de chêne. OK. Et puis, 78 ans, ça n'existe pas. Il y a 75 ans. Comment ça que ça n'existe pas? Parce que à partir de 70 ans, c'est aux 5 ans. Ah, je pensais que c'était... Oui, mettons, on a... Je vais aller dire, mettons, à partir de 65 ans, tiens. OK, vas-y. Donc, 65 ans, c'est palissandre. 66, jasmin. 67, le chinchilla. Oh. 68, les noces de granit. 69, les noces de mélèze. 70, on a les noces de platine. Oh, 70, c'est ça, platine. Exactement. 75 ans, ce sont des noces d'albâtre. C'est très rare, je présume. À 80 ans, on obtient les noces de chêne. Des chênes ou du chêne? Non, chêne le bois, là. OK. À 85 ans, tiens-toi bien, ce sont des noces d'uranium. Oh! Y a-tu plus que ça après, là? Oui! À 90 ans, on a des noces de granit. Et à 100 ans, le dernier, ce sont des noces d'eau. Oh! Hein? C'est quand même... C'est pur! Assez intéressant. Et je pourrais peut-être y aller avec les 5 premières. Ils doivent être assez amusants. Vas-y, vas-y. 1 an, on a des noces de coton. 2 ans, des noces de cuir. 3 ans, des noces de froment. 4 ans, des noces de cire. Et 5 ans, des noces de bois. Ah bon? Et là, j'imagine que les... Ah ben, en fait, on passe par tous les matériaux. Les matériaux du monde. De quoi se construire un palais. C'est bon! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. Ah, bon, là, on est relaxé. Lendemain de la Saint-Valentin. C'est l'heure de vous achever. De vous achever. Voici la chronique, c'est un fait. Que t'étais sûrement achevé après ta soirée de Saint-Valentin d'hier. Arrête donc. Commençons dans notre chronique. C'est un fait qui, en passant, soit dit en passant, est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, des faits. Hein? Des faits. C'est le nom de la chronique. C'est un fait. C'est des faits. C'est un jeu. C'est pas un jeu de mots, en fait. Ben, c'est un jeu de mots. Ouais, c'est un... Ben, non. Je sais pas. C'est un fait. Non, c'est pas vraiment un jeu de mots. C'est un fait. C'est un bon titre qui explique la chronique. Oui, c'est pas aussi bon que « Fais-en ce que tu veux » ou quelque chose du genre. Ouais. Un jour, on la changera. Un jour. Tu connais Superman? Oui. Ça dit quelque chose? Oui. À son invention en 1938, savais-tu que Superman était beaucoup plus faible que ce qu'on connaît maintenant de lui? Non. À la place de voler, il pouvait pas voler, premièrement. Il pouvait juste faire des bonds de 1/8 de mille. Jusqu'à 1/8 de mille. Des bons. Il était seulement assez rapide pour passer à côté d'un train. Par contre, s'il se faisait frapper par un train, il serait sûrement mort. Hein? Il était aussi capable de supporter des balles. Par contre, n'importe quoi de plus qu'une balle l'aurait sûrement tué dans les bandes dessinées originales. Superman a accumulé des dons, des pouvoirs avec les années jusqu'à ce qu'il devienne presque invincible comme on le connaît aujourd'hui. Il peut voler dans l'espace, voyager plus rapidement que la lumière, supporter des explosions nucléaires et bouger les planètes au grand complet. C'est Superman. Une nouvelle technologie peut imprimer des messages textes sur ta peau pour que tu puisses lire le message sans avoir à sortir ton téléphone. Oui, c'est un concept qui s'appelle Skin Display. Ça utilise une technologie avancée de piézoélectrique. Qui rend le matériel plus solide, là, genre le plastique du téléphone, en utilisant de l'électricité. De cette façon-là, tu peux appuyer ton doigt contre l'arrière du téléphone et les lettres qui sont imprimées, qui sont surélevées à l'arrière du téléphone, vont s'imprimer dans ton doigt, donc tu vas pouvoir le lire plus facilement, subtilement, tu sais, dans une soirée ou n'importe quoi, sans avoir à sortir ton téléphone. Et ça pourrait aussi être utile pour les aveugles, évidemment, pour lire en braille. J'imagine qu'on pourrait sortir les points à la place de sortir des lettres. Parce que le braille, c'est pas des lettres, c'est des points. Hein? Donc, ça s'appelle Skin Display. J'aime bien ça. C'est bizarre, moi. C'est la première fois que j'entends ça. Très bonne idée. Ouais. Tu connais les Power Rangers? Malheureusement. Savais-tu qu'il y a eu plus de 700 épisodes des Power Rangers? Non. 702, pour être exact. La semaine passée, c'était la première de la plus récente version de l'émission aux États-Unis, Power Rangers Samurai sur Nickelodeon. Power Rangers, ça a commencé en 93. L'émission est à sa 19e saison. Si on compte une reversion qu'ils appellent de la série originale, c'était diffusé l'année dernière, donc ils ont remodelé la première saison, donc ça compte. Ça existe encore, ça joue encore? Oui, exactement, nouvelle version. Avec le retour d'un des personnages connus, le Bulk, dans cette série-là. Voilà, donc pour Power Rangers, 702 épisodes jusqu'à maintenant. Je sais pas, ça peut-être que tu le connaîtras pas. Moi, je le connais pas et je peux le dire avec fierté que je le connais pas. Le nouveau single de Lady Gaga, Born This Way. Non, je le connais pas non plus. Tant mieux. Savais-tu ça qu'elle a écrit cette chanson-là en moins de 10 minutes? Non. Et les artistes l'admettent de nos jours qu'ils écrivent des chansons en 10 minutes. C'est bien, hein? 10 minutes. C'est fait. Clac, clac, clac, c'est le bord de la table. Ben oui. Deux, trois petites phrases que tu répètes encore et encore. Puis, Oui, ça, c'est exact. Mais est-ce que ça te prend? C'est pas les paroles. Les paroles, ça veut plus rien dire. Non. Maintenant, c'est le beat, c'est les featuring, c'est... C'est ça. Toute la job que c'est pas Lady Gaga qui fait. Non, ça, c'est exact. Mais vidéoclip. Ouais. Enfin. Un autre petit fait maintenant. Un avion en Chine a dû être poussé pendant un demi-mille par par les gens qui étaient à bord après l'atterrissage. As-tu déjà entendu parler de ça, toi? Allez voir que tu me ferais pousser un avion. Ouais, c'est ça. C'est le vol CRJ-7 de Chinese Shandong Airlines qui est arrivé à sa destination de Zhengzhou en septembre 2008 sans aucun problème, jusqu'à ce qu'il y ait eu un problème, dans le fond, tu sais. Après l'atterrissage, l'avion a dû être enlevé de la surface, là, comment t'appelles ça? La piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, et voilà. La seule façon de l'enlever de là, c'était de demander aux passagers et à toute l'équipe de l'aéroport de pousser l'avion. Ça leur a pris presque deux heures, pour bouger ce véhicule de 20 tonnes. Et voir qu'il n'y a pas une remorque ou... Apparemment que la seule façon, c'était comme ça. Bizarre. On ne sait pas. Allons-y avec un petit fait rapide. Tiens, en 1999, les Furbies. Tu connais les Furbies? Non. C'est les petits toutous là, qui répètent tout ce que tu dis, là. Non. Non, ça te dirait. Bref, les Furbies ont été bannis du quartier général de la NSA, la National Security Agency du Maryland. On avait peur que les Furbies répéteraient des secrets nationaux, des secrets de sécurité. Les Furbies. Mon Dieu. C'est incroyable, j'aime bien ça. Hier était le 20e anniversaire du Silence des Agneaux, qui est sorti le jour de la Saint-Valentin en 1991. Je savais même pas que ça va sortir... À Saint-Valentin. Drôle de jour pour sortir ça. Hein? Oui, exact. On a prouvé scientifiquement, et là, ça va être plus compliqué à expliquer celui-là, ça a été prouvé scientifiquement que moins tu connais de choses, plus tu crois savoir des choses. Est-ce qu'on suit jusque-là? OK, OK. Oui, moins oui, t'en connais, oui, plus tu penses en savoir. Donc, l'idée, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Parlons-en un petit peu. L'idée derrière tout ça a été établie depuis des siècles par Charles Darwin, par exemple, qui disait que l'ignorance amenait de la confiance plus que la connaissance amenait la confiance en soi. Genre. On dit, en 1999, le psychologue David Dunning et son ami Justin Kruger, dans leur rapport qui s'appelait « Unskilled and Unaware of It », donc sans habileté et pas au courant du fait que... Hein? C'est super bien traduit. Comment les difficultés à reconnaître sa propre incompétence peuvent mener à une trop grande estime de soi, genre. Si on veut. Allons-y avec les détails. Les détails, je les cherche, les détails sont ici. Là. Une étude demandait aux participants de répondre à un test avec des raisonnements logiques, des questions grammaticales, etc. Ça estimait leur habileté dans chacun de ces sujets-là. L'humour, etc., etc. Les participants qui ont eu les moins bonnes notes, donc dans le dernier, comment t'appelles ça? Quartile, comment t'appelles ça? Le dernier... quartile, ben... C'est pas quartile, là, mais... Pas pour... C'est même pas grave. Ceux qui étaient en bas, avaient sous-estimé leurs propres habiletés. Ceux qui étaient dans le 12e percentile, je ne sais pas c'est quoi les mots, mais bon, c'était estimé comme étant dans le 62e. Donc, on comprend que ceux qui se pensaient bons étaient dans, eux se disaient... Bon, avaient avait des moins bonnes notes. Mais ça se peut parce que en fait, le plus tu connais de choses, plus tu te rends compte qu'il y a tabarouette, j'en connais pas tant que ça. Et parce voilà. Qu'il y a tellement de domaines, il y a tellement de... Puis j'imagine que quand tu connais rien, mais tu penses que tu connais tout parce que tu connais pas qu'il y a d'autres domaines. Beaucoup, ça devient, beaucoup mieux expliqué que moi, d'accord. Ça devient mêlant, là. Aussi, si tu finis par donner du training, donc aider ces gens-là qui sont incompétents à la base à s'améliorer dans leurs capacités, leurs habiletés, les gens incompétents ont tendance à devenir plus au courant de leurs propres inhabilités, genre. OK. Des affaires qui sont pas au courant et là, se rendent compte que finalement, peut-être que je sais pas tout. Ouais, ouais. Donc, ça peut s'arranger, ces gens-là. C'est ce que ça veut dire. Oh. C'est l'effet Dunning-Kruger, si vous voulez aller voir sur Wikipédia. Dunning-Kruger. Voilà. La première machine distributrice a été construite au 1er siècle pour donner de l'eau bénite. Pour donner de l'eau pas bénite. Pas donner, mais vendre. Vendre. Donc, c'est un appareil qui a été inventé par un mathématicien grec. C'est Hero of Alexandria, son nom. Voilà. Donc, la machine opérée par pièces de monnaie a été créée pour empêcher les gens de prendre plus d'eau bénite que ce qu'ils avaient acheté pour leur argent. Et Colin. D'autres inventions de Hero of Alexandria. Hein? Une porte de temple automatique. Une porte automatique, quand même. Porte automatique. En quelle année, ça? Premier siècle. Ah, ouais. Premier siècle. Et aussi, un verre de vin qui se remplissait lui-même. Lui, il était lâche, hein? Ouais, il était un petit peu lâche, mais en même temps, dont un génie. Ça. Oh oui. Tout à fait. Incroyable, incroyable. Tout à fait. Mais la machine distributrice, elle devait être énorme aussi. On sait, les premières inventions, des fois, c'est... Les ordinateurs, ouais, etc. C'est énorme. Ah! Eh oui. Alors, on va y aller avec un autre fait. Tiens, les femmes qui ont un ratio taille versus hanche, d'accord, de 0,7. Taille, c'est en haut des hanches, là, et les hanches, c'est les hanches. Le tour de bassin. Là. Tour de bassin. Voilà. Mais la hauteur aussi? Tu vois, c'est ça. C'est un ratio de 0,7 par rapport à ça. La hauteur n'a pas vraiment rapport. Ce que ça détermine, dans le fond, la fin de la phrase, c'est qu'on dit qu'ils sont plus belles. Ces femmes-là qui ont un ratio... comment t'appelais ça? De bassin versus taille de 0,7. Donc, c'est un ratio qui... On donne un exemple. Mettons une taille de... un bassin de 25 pouces et des hanches de 36 pouces. Ce serait le ratio parfait, 0,7. C'est quoi, 36 et 25? 25 et 36. 36 pour les hanches. Okay. Parce que tu connais le dicton. Je veux pas dire ça, mais je vais voir. 36, 24, 36. Ah, je sais pas, non? Non? C'est ça le parfait pour les bustiers. Ouais, c'est ce que j'avais entendu. C'est des mathématiciens de l'Université de Cambridge qui ont découvert que ces proportions-là font la femme sexy. Pourquoi? À cause de sa démarche. Parce qu'avec ces chiffres-là, 25 pouces et 36 pouces, ça donne une marche qui rebondit plus, apparemment. C'est plus joli à regarder, donc ça rend la femme plus sexy. Des femmes célèbres qui ont ce chiffre-là, le 0,7, le ratio, si on veut. Il y a Jessica Alba, je pense que ça, on est tous au courant, hein? Ouais, pas besoin d'une formule mathématique pour comprendre. Elle a une belle démarche. Et ça va peut-être te surprendre, la Vénus de Milo. Ah. Oh. Tu sais, là. Je l'ai jamais vu marcher. Non, tout à fait. Tout à fait pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Marilyn Monroe qui arrive juste en dessous à genre 1 centième de pouce. Elle est comme à 0,69 ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Elle aurait pu se forcer. Quand même. Un peu de chirurgie dans ce temps-là, non? voilà pour les femmes de 0,7. Allez voir, j'ai posté un lien vers un article sur assemblagerequis.com. Et on va terminer avec ce dernier fait, François, sur les chats noirs. Oh! Oui, les chats noirs. C'est malchanceux. Excusez-moi. Les chats noirs, non, ils sont pas malchanceux. Ils ont moins de chances d'être adoptés. En fait, peut-être que c'est à cause de ça. D'être adoptés pour dans une place où on adopte des chats, là, la SPCA ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Même si les taux d'adoption pour les chats, malheureusement, et ça j'étais triste de l'apprendre, sont très très faibles dans les endroits comme la SPA. Le taux d'adoption, ça veut dire que les chats se font pas mal tous tuer, si on veut. Pas si on veut, on le veut pas, mais c'est comme ça. Les chats noirs sont les pires. On dit que c'est la couleur de chat qui a le moins de chances d'être adoptée, selon une étude en 2002. Approximativement 20% des chats dans des endroits pour animaux comme ça se font adopter, alors que 80% se font euthanasier. De ces chats-là, excusez-moi encore, ça va pas bien aujourd'hui. De ces chats-là, les chats noirs ont la moitié moins de chances que les tabby cats, ce qu'on appelle, tu sais, les chats qui sont comme tachetés partout. Là. Ouais. Ouais. Et deux tiers de moins de chances que les chats blancs. De se faire adopter. De se faire adopter. Dans la culture donc occidentale, c'est ça la nôtre, dans l'Ouest, là, les chats noirs sont considérés comme malchanceux à cause, entre autres, de l'histoire de Black Cat, qui était une nouvelle de Edgar Allan Poe, où un chat noir rendait son propriétaire fou et le changeait en meurtrier. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Plus. Un français tout à fait délirant, Monsieur Catherine. Yes. Et puis, tout aussi délirant, eh bien, un Québécois qui est tout aussi délirant. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Oui, vous l'aviez deviné, on est désormais dans mon segment de cuisse et vous, auditeurs, êtes sous mon contrôle. Entre mes cuisses. Merci, Danny, pour cette précision. Et donc, aujourd'hui, comme on est lundi, je vais vous parler de littérature. Oui. Et aujourd'hui, j'ai amené un roman mystérieux d'un auteur absolument inconnu, c'est-à-dire j'ai amené Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et je veux dire, je pense que je vais faire plaisir à beaucoup de gens en parlant de ce roman-là aujourd'hui. C'est d'ailleurs une allégorie qui est assez universelle et qui traite beaucoup du sujet de l'amour. Donc, je trouve que c'est assez bien placé en cette journée de la Saint-Valentin. Et donc, Le Petit Prince est une œuvre de langue française, c'est important de le mentionner, la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. Publié en 1943 à New York, c'est un conte poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Le manuscrit original est conservé à la Pierrepont Morgan Library à New York, sous la cote 13-17-61 pour les intéressés. Chaque chapitre relate une rencontre du petit prince qui laisse celui-ci perplexe quant au comportement absurde des « grandes personnes » entre guillemets. Chacune de ces rencontres peut être lue comme une allégorie. Le langage simple et dépouillé parce qu'il est destiné à être compris par des enfants est en réalité pour le narrateur le véhicule privilégié d'une conception symbolique de la vie. Et moi, j'avoue que c'est une des choses qui m'a le plus séduit dans ce roman-là, c'est justement la simplicité du langage, mais d'une efficacité irréprochable. Ça m'a beaucoup plu. Comme naïf, un peu. Exactement, naïf, mais avec... Mais qu'il l'est tellement pas, là, mais... Exactement, tu fais bien de le préciser. Et avec un contenu irréprochable aussi. Et en poursuivant en disant que les aquarelles exécutées par l'auteur font partie du texte et participent à cette pureté du langage. Dépouillement et profondeur sont les qualités maîtresses de l'œuvre. On peut y lire une invitation de l'auteur à retrouver l'enfant en soi, car toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent, dit-on dans le livre. L'ouvrage est dédié à Léon Wirth, mais à quand il était petit garçon. Ce que j'avais trouvé très cocasse et très intéressant aussi. Et j'ai amené le livre ici pour vous en lire un court extrait. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? « Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés ou les bois ouverts. Oh, ben oui. très agréable à lire. C'est d'un charme. Ça me rappelle ma jeunesse. Moi aussi, mais ma moins jeunesse aussi, si je peux me permettre l'expression, dans la mesure où je l'ai lu plusieurs fois. C'est quelque chose d'important à relire une fois de temps en temps pour ne pas oublier le message. Je l'avais vu exécuté par Jean Laprise. Est-ce que tu connais Jean Laprise? Non. C'est un homme de théâtre qui a vraiment fait beaucoup pour le théâtre pour enfants et puis tout ça. Je sais que ça avait été monté. C'était magnifique au théâtre ici à Jean-Antonio Thompson. Parce que je sais que ça avait été monté là au théâtre il y a quelques années. J'imagine que tu fais référence à cette production-là. Non, moi j'étais jeune, très jeune. Ok, donc ouais. Ça a été refait depuis. Je sais que ça avait eu une couverture médiatique assez importante. On sait que c'est une œuvre qui est très populaire, qui s'est vendue à des millions d'exemplaires et c'est quand même une belle qualité pour une œuvre de langue française parce qu'on sait que le bassin de population qui parle français est moins étendu que le bassin de population anglophone. Mais je veux dire, qu'on apprécie la lecture ou pas, c'est indispensable d'avoir lu cette chose-là au moins une fois dans sa vie. C'est d'un charme fou, c'est d'une grande tendresse. Ça viendra raviver en vous les émotions les plus sublimes que vous avez jamais expérimentées. Oh. Je veux dire, je vous supplie de lire Le Petit Prince si vous ne l'avez jamais fait et je vous conseille fortement de le relire si vous ne l'avez pas lu depuis longtemps parce que Antoine de Saint-Exupéry est un auteur magnifique. J'ai lu plusieurs œuvres de lui. J'avoue que Le Petit Prince est de loin la meilleure, mais elles sont toutes excellentes. C'est seulement que Le Petit Prince, je la qualifierais de presque parfaite. Ben, c'est son œuvre maîtresse, hein? Oui, Sgt. Pepper. Oui, c'est bien dit, Danny. J'aime beaucoup la comparaison. Et Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon et est malheureusement disparu en vol le 31 juillet 1944 vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, mort pour la France. C'est un écrivain, poète et aviateur français. Il est né dans une famille issue de la noblesse française. Il passe une enfance heureuse malgré la mort prématurée de son père. C'était, semble-t-il, un élève peu brillant. Il obtient cependant son baccalauréat en 1917 et après son échec à l'école navale, il s'oriente vers les beaux-arts et l'architecture. Devenu pilote lors de son service militaire en 1921, il s'est engagé en 1926 par la compagnie Latécoère, future aéropostale, et transporte le courrier de Toulouse au Sénégal avant de rejoindre l'Amérique du Sud en 1929. Parallèlement, il publie en s'inspirant de ses expériences d'aviateur, ses premiers romans, Courrier Sud et surtout Vol de nuit en 1931 que j'ai lu, qui est très acceptable comme récit, je dirais plus qu'acceptable, c'est merveilleux. Pour les gens aussi qui aiment les choses vraiment compliquées et casse-tête, je vous recommande Citadelle, son œuvre posthume. Donc, Saint-Exupéry, un auteur admirable qui a marqué l'histoire de la littérature sans aucun doute. Quand même assez cocasse qu'il ait disparu en vol. Oui, c'est quand même... Quand l'aviation a toujours fait partie de lui. Mais l'autre fois, on parlait... Et peut-être qu'il s'est retrouvé sur la planète des Baobabs. La planète des Baobabs ou l'île d'Elvis Presley, oui, comme on parlait tantôt. Ça me fait faire un parallèle avec La Voix royale de André Malraux. André Malraux, je l'avais présenté il y a quelques semaines, et André Malraux, je l'avais décrit comme un aventurier aussi. Oui, et on disait que c'était assez rare comme métier, aventurier nos jours. Oui, au début des années 1900, je pense. Donc, je crois qu'on peut se permettre de considérer Saint-Exupéry, à juste titre, comme un aventurier. Tout à fait. Et donc, poursuivons avec ma chronique du rock alphabétique. Nous avons complété la lettre F la semaine passée, si je ne m'abuse, et on serait donc rendu à la lettre G. Et aujourd'hui, je vous ai amené du Genesis Live, mais enfin de bonne qualité. Et on va aller écouter une excellente pièce de Return of the Giant Hogweed. defenseless. They all need the sun to photosensitize their venom. Still they're invincible. Still they're immune to all our herbicidal buffering. Merci. Merci beaucoup. C'est trop. On vient d'entendre la formation Genesis avec la pièce de Return of the Giant Hogweed. C'était tiré de Genesis Live, paru en 1973. C'est le premier album live du Quelle année magnifique, 73, hein? Ah oui, il y a tellement de choses intéressantes qui sont sorties cette année-là. Ça... Comme moi. Oh, OK. Et voilà. Ben oui, en effet, parce que... C'est l'édition 73. Sans ta présence, Bio Bazaar n'existerait pas. Non. Et donc, je disais que Genesis Live est le premier album live du groupe rock progressif Genesis. Le groupe ne comptait pas sortir d'album live, mais cette décision a finalement été prise suite à la demande de leur label Charisma Records. Le groupe a longtemps hésité à sortir cet album de peur qu'il ne révèle les carences du show live par rapport à l'enregistrement studio. En effet, les mélodies dit, parfois fort complexe et rapide, notamment les partitions des claviers dans le morceau Supper's Ready, n'étaient pas toujours interprétées à la perfection en concert, malgré le très haut niveau technique des musiciens, ce qui contrariait les membres de Genesis qui étaient extrêmement perfectionnistes. Sauf que force m'est d'avouer que la meilleure version de Return of the Giant Hogweed existante, à ma connaissance, c'est celle qu'on vient d'entendre. Je la trouve d'une intensité émotionnelle irréprochable. Mais à la base, il faut savoir que c'est une pièce qui était sortie en 1971 sur l'excellent album studio Nursery Crime, sur le même label Charisma. Il s'agit du premier album où l'on peut voir à l'œuvre le quintet composé de Peter Gabriel, Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett et bien sûr Tony Banks. Moi, c'est l'album avec quoi j'ai découvert Genesis, c'était Nursery Crime. Mais en fait, un Nursery Crime, qui est un album, ça représente peut-être pas leur consécration, mais ça l'a connu beaucoup de succès. Et c'est, je veux dire, parmi leurs meilleurs... C'est très mélancolique, c'est intense, le poil te lève sur les bras. Tout les à textes fait, sont malades. Tout à fait. On sait que c'était très fignolé, le travail de Genesis. Comme je le disais précédemment, ce sont des gens extrêmement perfectionnistes. Et l'album sera classé dans les charts britanniques à la 39e place, mais seulement en 1974, et il y refera une brève apparition en 1984 à la 68e place. En France, l'album sera certifié disque d'or en 1978. La France est d'ailleurs l'unique pays important où il obtiendra cette récompense. Tu dis que c'est en 84, c'est revenu sur les charts. Oui, tout à fait, mais je peux malheureusement pas vous expliquer. Mais c'est drôle parce que nous, quand je te dis j'ai découvert cet album-là, c'est dans les années 84 à peu mais près. Mais je soupçonne que dans les années 80, il y a eu des rééditions je pense. Du matériel original qui avait été fait avec Peter Gabriel et ça l'a remis sur l'avant de la sellette. Formation de l'époque avec Peter quand Gabriel. Quand j'étais jeune, moi, tu sais, je veux dire, en 84, j'avais 10 ans à peu près. Oui. Eh bien, je regardais pas nécessairement la date. Tu comprends? Moi, je pensais que ça venait de sortir. Oui, je parce comprends. Parce que nous, que le vinyle, il était neuf. Là. Moi, je me rappelle d'avoir déballé. Ben, en fait, les premières fois que j'ai entendu du Peter Frampton, je veux dire, ça sonne tellement contemporain, Peter Frampton, que je pensais que c'était une nouveauté. C'est finalement, oh non, c'est sorti en 75, en 76. Donc, ben, je parle de certaines pièces en particulier. Oh, là. Oui. Et puis, pour en finir avec Genesis. Oui, excuse, je te coupe depuis tantôt. Non, c'est une discussion des plus agréables, Danny. Et Genesis, c'est un groupe de rock britannique à classer parmi les créateurs du genre progressif qui a connu un succès important durant les années 1970, mais surtout dans les décennies 1980 et 90 après le départ de Peter Gabriel. On sait que ça a connu un tournant un peu musique populaire. Ben, succès commercial. Succès commercial, exactement. Mais à mon humble avis, c'est de loin le meilleur. L'époque avec Peter Gabriel, c'est de loin ce qu'ils ont fait de meilleur. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. À part les quétaines. Ouais, ou du moins, je veux dire, quand t'es amateur de rock et de musique progressive... C'est sûr que si t'es amateur de ritournelle pop, ben, sous Dio, puis etc. Oui, exactement, mais parce qu'on sait qu'il y a certaines chansons avec Phil Collins à la voix qui ont connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès de commercial. Et il y a certaines personnes que ça leur rappelle des époques de leur vie. Je comprends qu'ils peuvent être mélancoliques, sauf que moi, je suis un pur et dur. Et ce qui m'intéresse, c'est véritablement Peter Gabriel. D'ailleurs, la carrière solo de Peter Gabriel est nettement plus intéressante que la carrière solo de Phil Collins aussi. Moins lucrative, mais plus intéressante. Ouais, moins lucrative, mais néanmoins très lucrative. Ah, même pour Monsieur Gabriel. Je suis pas inquiet pour Monsieur Gabriel du tout. Hein, il a pas de misère à payer son loyer là. Probablement pas. Et donc Peter Gabriel, qui est quand même un artiste que j'apprécie beaucoup, et j'étais très content de vous présenter cette pièce là aujourd'hui, The Return of the Giant Hogweed, une pièce qui porte ce titre là à cause qu'on y critique l'abus des pesticides et un peu le petit côté maniaque des jardiniers anglais. Et c'est donc un peu la revanche. Des greens de golf, là. Exactement. Et ça se trouve à être l'histoire de la revanche de la mauvaise herbe géante. Très intéressant. Merci, Charles-André. Ça m'a fait du bien de réécouter cette pièce qui m'a rappelé beaucoup de choses. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Tu as raté mon étouffement de tantôt, mais peut-être que tu vas pas rater le prochain. Ouais. Parle à ta chronique. La prière, vas-y. On va voir. Non, ça va aller. Okay. Donc, Amy Gauthier qui arrive comme à tous les mardis matin pour sa chronique, veut te sortir avec moi sur des choses à faire The Wall. Ouais, mais peut-être ça ne vous tentera pas aujourd'hui, par exemple. Non, c'est ça. Prenez note pour les autres jours. Non, c'est ça. On peut faire ça en fin de semaine. Là. On peut faire ça en fin de semaine. Il y en a même qu'on pourrait faire pendant la relâche. Ça s'en vient. Là. Oh, c'est quand la relâche? C'est pas la semaine prochaine, mais l'autre. Je sais pas, j'en ai pas cette année. Oh. Ah. Mais il me semble que c'est du 1 au 6 mars, quelque chose comme ça. Ça aurait du sens. Je crois. Ça aurait du sens. Bon, sortons les calepins, alors, les amis, les requins, d'accord? Et parlons un petit peu du Centre de la biodiversité du Québec. Oui, sur place, là, c'est vraiment un centre d'études qui est un laboratoire naturel. Les sentiers du centre passent à travers 8 écosystèmes différents. Donc, pour les jeunes, pour les plus vieux, ça peut être intéressant un peu de découvrir autant été qu'hiver. Il y a la friche, le marais, le verger, la forêt de transition, la forêt de feuillus, la forêt de conifères, les mousses et l'orée des bois. Je ne sais pas s'ils sont tous observables à l'hiver, mais d'après moi, on est capable, surtout au niveau des arbres, de voir les différences. On trouve aussi quelques animaux et plusieurs mangeoires d'oiseaux. Oui. Donc, c'est deux sentiers de marche qui totalisent 4 km. C'est pas le gros sentier, mais c'est pour débutants, donc tu as un peu toute la famille. La raquette peut aussi se faire en hors-piste sur tout le territoire. C'est ouvert tout l'hiver de 10h à 17h. C'est 3$ par adulte, 2$ pour les jeunes de moins de 17 ans. Pas très dispendieux. Pas cher, ouais. On en parlait l'autre fois là, qu'il y a quand même des frais pour l'entretien des sentiers, tout ça. Je pense que ça a pas mal d'allure. Oui. C'est situé une quinzaine de minutes de l'université, un peu avant la ville de Bécancour. Mais pour les parents aussi qui commencent à prévoir les activités de la relâche, pour les ados, les adultes. C'est aussi un mini biodôme parce qu'il y a des aquariums et des centres d'interprétation. Sur le site web, on voit vraiment bien. Là, on voit qu'il y a des loutres, qu'il y a des poissons, qu'il y a des. C'est un mini zoo, un mini biodôme en même temps. Pour accéder au petit biodôme, c'est 8$ par adulte, 6$ par enfant, puis dans le tarif, l'accès au sentier est compris. Donc, on peut faire quelques sentiers et après ça, on va se réchauffer à l'intérieur. Pour plus d'informations, c'est www.biodiversité.net. Le site est vraiment beau en plus. Ah oui? Oui. Mmh. Ensuite, on se rend au centre de plein air de Val-Chester. Chester. C'est pas un nom de crotte de fromage, quelque chose comme ça? Ah oui. Ça se peut. Chester. Le poulet, Chester, non? Ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas, ça m'a fait penser à de la bouffe. Je me suis dit, je vais demander à Mathieu, il va le savoir. Bon, ça t'apprendra. Hey, préjugé favorable. Mais j'avais raison. Ouais, t'avais raison. C'est un centre d'activité pour toute la famille encore là. C'est une piste de 5 km et du hors-piste sur tout le territoire qui est accessible aux amateurs de raquettes. On peut aussi faire du 4 roues, du ski doux, du patin, du ski de fond et même de la pêche sur glace. Donc, c'est très, très ouvert. D'ailleurs, c'est ouvert tout l'hiver de 8h à 21h. On doit débourser 4$ par adulte et 2$ pour les enfants de 6 à 17 ans. En bas de ça, c'est gratuit. La petite monnaie, là, de toute façon. La petite monnaie. Dans ta poche, t'as ça. J'imagine que le 4 roues, le skidoo, tout ça, ça doit débourser un peu plus. Ouais. Mais pour avoir accès au sentier, là, c'est 4$ par adulte, 2$ par enfant. et se situe à environ une heure de l'université près de Warwick. Et on peut se rendre au www.valchester.com pour s'informer davantage. Oui, prononcé à la française. Valchester. Valchester. On continue avec le sentier des trotteurs et non pas les trotters. C'est pas une équipe de basket. Je fais ça, c'est les Globetrotters qui sont passés d'ailleurs sur l'île de Gilligan dans un des épisodes, dans un film. Il avait fait un film avec les Globetrotters et Gilligan's Island. Pas vrai. Ah ouais. Ah, je sais pas. Eh ben. T'es plus culturé que moi. Et voilà. Culturé. Culturé. Bon. Le sentier des trotteurs est divisé en trois sections. Le premier va longer deux petits ruisseaux qui vont tomber en cascade pour rejoindre une plus grande rivière. Le deuxième va passer dans une forêt de conifères et d'érables. Il disait un autre nom pour des érables, mais j'ai cherché la signification et ça veut dire érable. Donc, je vais vous dire, c'est une érablière. Bien dit. Si c'est autre chose, puis vous y allez, ben vous me le direz, mais c'était très bizarre. Il y a des érables. Oui, c'est ça. Bon. Le troisième sentier qui a, entre guillemets, ouvert ses portes en mai 2010. Parce qu'il n'y a pas de porte, c'est ça? Ben, il y a peut-être des gates à l'entrée, mais je sais pas. Ouvert la clôture. Oui, c'est ça. En mai 2010, donc il est tout récent, va relier les deux sentiers précédents au Mont Arthabaska et à la ville de Victoriaville. Donc, c'est 32 km pour les marcheurs et les raquetteurs de niveau intermédiaire ou avancé. Ouais, 32, c'est pas mal. C'est long, mais c'est vraiment... C'était clairement indiqué intermédiaire ou avancé, pas débutant. Donc, c'est pas un sentier avec des côtes, il y a peut-être pas tant de difficultés que ça. Non, c'est pour les intermédiaires et avancés. Et avancés aussi. Ah, OK. C'est pas pour les débutants. OK. Il y en a deux pour intermédiaire, un pour avancé, je crois. Fait que ça dépend aussi de votre niveau de difficulté, là, mais... Mm. C'est ouvert jusqu'à la fin de l'hiver, du lever au coucher du soleil. C'est 4$ par personne pour accéder. C'est environ une heure de l'université. C'est tout près de Victoriaville. Et on peut se rendre au www.sentierdestrotteurs.com pour plus d'informations. D'accord. Il nous en reste un dernier, c'est la station du Mont Gleeson. Oui, un mont qui s'élève à 340 mètres d'altitude. Donc, on en déduit que c'est une station aussi pour faire du ski alpin. En plus de ça, il y a 6 sentiers pour la raquette. Il y en a un qui va mener au sommet d'environ 2 km. Sinon, toutes les autres vont arpenter le flanc, le pied de la montagne. Celui qui sera en haut, il sera un gros chalet en bois rond avec un foyer central. Donc, ça doit être... Aller se réchauffer en haut de la montagne. Oui, j'imagine qu'il y a du chocolat chaud en haut. Mmh. Ça sera le fun. Mmh. Ouais. Donc, en tout, c'est 7 km de sentier partout sur le mont pour la raquette. C'est 3$ pour accéder au sentier de raquette, peu importe l'âge. Pour le ski alpin, les tarifs tournaient autour de 25$. Là, ça dépendait si tu le prenais en soirée, c'était 24. Pour un bloc de 4 heures, c'était 27. Pour toute la journée, 32, quelque chose comme ça. Pour le ski alpin. Pour le ski alpin, oui. C'est vraiment selon la période, là, mais ça tournait autour de 25 à 30$, ce qui est normal pour un tarif de ski alpin. C'est situé à environ une heure de l'université. C'est ouvert de 9h au coucher du soleil pour la raquette et de 9h à 22h pour le ski. Donc, j'imagine c'est parce que les pistes sont éclairées pour le ski et non pour la raquette. Mmh. Puis, on peut se rendre au montgleeson.ca pour plus d'informations. Superbe. Rappelle-moi les niveaux. On en parlait tantôt. Puis, c'est débutant, intermédiaire, avancé. C'est les trois qu'il y a. Ouais. OK. Débutant, c'est vraiment juste une surface lisse. Ben. Ça dépend des sites, là. J'imagine que les sites web ont à peu près... Les lieux doivent avoir des points de référence là, pour dire « ma piste est un sentier débutant ». C'est ça, là. Parce qu'il y a la longueur, il y a la façon que le terrain est fait aussi. Il y a plusieurs facteurs à compter là-dedans. J'imagine qu'en bas de 5 km, ça doit être débutant. Mm-hmm. Un peu plus que ça, c'est intermédiaire avancé selon le nombre de côtes, selon la longueur du sentier. Ouais. Là. Mais je pense à chacun des sites de juger. Mais vous pouvez toujours appeler, sinon vous informer sur... moi, j'ai un enfant de 5 ans, puis un de 12 ans, lequel qu'on préfère, qui serait intéressant, que les deux seraient pas brûlés à la fin, mais qui s'ennuieraient pas. Je pense que c'est à la discrétion de chaque station, chaque parc, mais il y a moyen de s'informer, savoir le degré de difficulté, mais c'est ça. Débutant, d'habitude, c'est quelqu'un qui en fait une fois par mois. Ouais. Intermédiaire, quelqu'un qui est un peu plus en forme. Il faut quand même avoir un bon cardio, surtout l'hiver. Mmh. Comme je disais tantôt, là, j'avais mon sac à dos, ma sacoche, mes bottes, mon manteau. C'était soufflant, même quand tu fais... Puis là, avec l'épaisseur de neige qu'il y avait, j'aurais aimé ça avoir des raquettes à matin. Mmh. Non, je suis bien grave avec toi. Je suis à 20 minutes d'ici, à peu près. Puis quand la charrue n'est pas passée ou qu'elle vient de passer puis qu'il y a des buts, là, ça rajoute dans le défi de se rendre au travail ou de revenir à la maison. Ouais. Mais c'est bien, ça te fait faire d'exercice. Et moi, j'en ai besoin. I'm simple. Pas tant que ça. Non, quand même. J'ai vu pire. Ouais, bon, ça c'est facile à dire. Merci, Émilie. rien. On se retrouve mardi prochain à 8h avec d'autres conseils. Ouais. Des endroits sortis. Ah, vous checkez ça, là. Ouais, ça me tente, là. D'après moi, oui. Braver le froid. Ouais. Il t'en reste juste combien qu'en reste de chroniques? Juste. La moitié de la session. Oh, ouais. On arrive à la session à la semaine de relâche, donc. Ben, à la semaine de relâche, tu vas être là quand même. Ben oui. Parce que pour toi, il n'y en a pas de semaine de relâche. Pour moi, il n'y en a pas de relâche. Et donc pour nous non plus. Non. Okay. Notre horaire est basé sur celle d'Émilie. Parfait. Exactement. C'est ça. Pas du tout. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Plongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier. Charles-André Lambert est toujours avec moi. Tout à fait. Tu vas toujours bien? Oui, je vais toujours très bien. Je vais même mieux qu'avant, mieux que jamais. Car... Ah, mais pas aussi bien que demain. Désormais, je sais que Rémi est en studio avec nous, qu'il sera bientôt là pour nous parler des rêves. Et donc, pour moi, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Wow, t'es un gars rempli d'espoir et de sagesse, je dirais. Et d'enthousiasme aussi. Surtout. Tu disais, on va accueillir Rémi Francard, voici sa chronique. L'horoscope avec Monsieur Rémi. Wow! Je ne remercierai jamais assez Danny Janvier de m'avoir créé cette intro musicale. C'est un dieu, ce gars-là. Ah, on lui en donne un peu du divin à cet homme. Messieurs, bonjour! Bonjour! Ça va bien au dîner de con? Tout à fait. Merci, toi, ça va? Je vais très, très, très, très bien parce que cette nuit, j'ai fait de beaux rêves. Ah. Souvent, on sait que le soir, lorsqu'on s'endort, on dit aux gens de « Faites beaux rêves, bonne nuit, dors bien, rêve aux anges », toutes ces phrases quétaines et kitsch que nos blondes ou nos mamans nous disent trop souvent. Mm-hmm. Eh bien, je voulais un peu démystifier tout ça. Je suis un peu démystificateur à la fois... horoscopique dans ma chronique. Évidemment, aujourd'hui, on va parler de rêves, donc faut attacher nos tuques avec plus que de la broche, je dirais de la broche de nuage ou je ne sais trop comment faire mon image. Mais tout de même, aujourd'hui, on parle de rêves. Alors, messieurs, d'abord, Mathieu, en remplacement de Danny ou sinon Charles-André, est-ce que vous avez fait un rêve cette nuit dont vous vous rappelez? Vas-y, commence. Oh mon Dieu, j'ai fait un rêve vraiment étrange. Alors, je te donne le défi de faire ça de manière consistante, mais bien concise. OK. Ben en fait, imagine là qu'il y a une espèce de tête humaine, OK? Et elle ouvre la bouche, là. Et moi, je rentre dans la bouche en chopper, en roulant sur la langue. Le chopper, par définition, on parle bien d'une motocyclette. D'une motocyclette, mais modifiée, là, comme un Harley Davidson, je n'ai besoin de personne. À la manière des West Coast choppers. OK. Écoute, je vais essayer avec... Ici, j'ai un dictionnaire, le grand dictionnaire des rêves et leurs interprétations. Alors, on sait très bien que rêver, c'est important, mais c'est notre subconscient qui nous parle. On parle souvent du moi et du surmoi et toutes ces choses très théoriques. Et aujourd'hui, on va faire ça très simple. En fait, le dictionnaire est comme un dictionnaire. On fouille à l'intérieur un équivalent de Wikipédia. Je suis certain qu'on peut trouver un équivalent en ligne aussi même. Donc, signification rêve, le taper le mot juste à côté. On va googler ça quand on veut, le matin en se levant. On conseille toujours, évidemment, lorsqu'on se réveille, d'avoir un crayon papier juste sur le bord du lit, pouvoir inscrire les mots-clés de notre rêve. Et avec 3 ou 4 mots-clés, généralement, on se rappelle du rêve au grand complet. Tu vois, toi, t'as sorti les mots-clés « choppers »,« grande gueule »,« moi ». Oui, mais on sait que souvent, justement, les gens disent « ben moi, je rêve pas ». Et non, on sait que c'est pas vrai. Tout le monde rêve, c'est juste que les gens ne se souviennent pas de leurs rêves. En effet. Alors, en fait, souvent, le problème, c'est que c'est dans une certaine période du sommeil où on a réellement une zone de rêve, la période où on est dans un endormitoire, si je peux me permettre l'expression, qui est moins profond. Là. Donc, lorsqu'on a un sommeil plus récupérateur, le sommeil plus profond, là, on ne rêve pas, mais l'inconscient travaille tout de même. Donc, en fait, c'est un moyen pour le rêve comme de faire la filtration de ce qu'on a vécu durant la journée. Donc, il y a des théories qui disent que le rêve serait en fait quelque chose qu'on a pas réussi à résoudre durant notre journée. Donc, lors de la période de sommeil, la nuit, on va essayer de passer à travers tout cela pour s'en sortir. Le rêve nous l'octroie pour un peu réduire ces frustrations-là, ces tensions-là intérieures. Et voilà pourquoi tous les garçons de 14 ans font de drôles de rêves avec des femmes nues. Ouh. 14 ans seulement? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est universel, mais bon. Aux garçons, principalement, semble-t-il. Alors, je vais tenter de chercher dans mon dictionnaire ici, motocyclette. Comme on parle présentement, je suis pas le meilleur fouilleur de dictionnaire. Je sais pas s'il y a un terme officiel pour ça. Je pourrais aller dans mon dictionnaire, mais c'est pas un dictionnaire conventionnel. Un dictionnaire, en fait. C'est un dictionnaire, oui. Alors, on cherche motocyclette. J'espère que j'apprendrai pas des choses troublantes sur mon existence live à la radio. Ça pourrait peut-être perturber l'émission d'aujourd'hui. Écoute, je ne parlerai pas de tous les rêves que moi j'ai fait cette nuit parce que ma mère écoute peut-être l'émission présentement. moteur, moto, voire parcours. Ah bon, c'est ouais, fou. C'est bien référencé. On va chercher parcours. Donc, ça nous réfère à moto, ça nous réfère directement à parcours. Ouais, directement, tu vis déjà des choses là, de voyage. Et ça m'intéresse un peu comme Adon, parce que on sait que dans les rêves, tout comme dans les cartes d'interprétation, tout ça, lorsqu'on tire dans tout ce qui est horoscope, souvent on se fait demander par la personne, la diseuse de bonne aventure en question, et là pour aujourd'hui c'est moi, qu'est-ce que ça te fait penser, toi, Charles-André, une moto, à quoi ça te réfère, à ton premier instinct de subconscient, et qu'est-ce que je dirais la liberté. La liberté. Alors, tu vois, pour toi, ça signifie la liberté. Peut-être que la moto, en définition, pourrait vouloir dire autre chose, mais c'est ce qu'on va voir en allant trouver le mot. Parcours. Parcours, ou j'y suis. Parcours. Alors, est-ce que tu savais quelle était la destination de ton voyage en moto? Oui, le fin fond de mon être et de mon âme. Alors, est-ce que la gueule était ta propre gueule en question? Est-ce que tu rentrais à l'intérieur de toi-même? Oui, je rentrais à l'intérieur de ma propre gueule en chopper. De ma propre bouche, devrais-je dire. C'est tout à fait improvisé comme chronique, et je trouve ça merveilleux parce que ça me permet de découvrir un peu qui est ce co-animateur du Dîner de cons, et on voit que c'est pas n'importe qui. Écoute, la route dans un rêve suggère notre voix individuelle, donc dans ton cas c'est la langue, donc les papilles gustatives, imaginons-le. De même que chaque véhicule décrit le corps du rêveur et sa façon d'être. La roue reflète sa façon de faire. Un obstacle sur la route, symbolisera des difficultés sur le chemin choisi. Des courbes suggéreront des changements de direction, tandis que le carrefour offrira des choix et le cul-de-sac signifiera une impasse. Si un bout de route particulier est mis en évidence par le rêve, par exemple la langue dans ce cas-ci, oui. Cela peut symboliser une période de vie. Donc, t'es dans une période très... Gustative, disons-le ainsi. Ou licheuse, je ne sais trop. OK. Une montée suggérera l'effort supplémentaire, tandis qu'une descente décrira le manque de contrôle. Tu vois, là, on a déjà une bonne définition là, comme vois, ça. Tu vois, j'étais ni en montée ni en descente. J'étais sur une espèce d'arc. Alors, parce que la langue avec la... Je sais pas si vous avez déjà vu le film The Wall, là, de Pink Floyd, là. Non. Quand, toi, tu l'as vu trop souvent, j'imagine. Quand les fleurs se permutent en sondé puis en fusil, là, vous avez jamais vu ça? J'ai beaucoup aimé cette scène-là, mais on vient de trouver la moto ici même avec les recherchistes en studio. La moto est un symbole de jeunesse, d'audace masculine, d'indépendance et représente souvent en rêve... Attention, Charles-André, je m'excuse de le dire en ondes, mais l'acte sexuel. Ah, ben d'après moi, l'explication est fort simple. Je veux dire, je suis une personne en santé, oui. Une personne jeune et, je veux dire, comme un fruit presque mûr, OK? Et naturellement, de par les valeurs que j'ai choisies, qui sont le rock'n'roll, l'amour et la liberté, oui, je l'avoue, j'aime bien tout ce qu'on peut appeler amour ou sexualité. Je suis en fait un homme à femme, je l'avoue, aujourd'hui. S'il y avait un mot pour décrire les hommes à femme pathologiques, j'en serais un. Parce que chaque soir, je pleure de dormir seul. Je m'attendais pas autant. Tu vois comment on réussit à t'introspecter puis à te faire parler de toi-même. Je pleure de dormir seul. Grâce à ton rêve. Alors, s'il y a une demoiselle en ce moment qui a envie de me dater... vous pouvez directement venir au studio de C'est Fou et je vais abandonner l'émission immédiatement pour aller prendre un café. Là. Mais mesdames, attendez, j'ai pas fini de lire et de décrire le rêve de Charles-André. Parce que depuis que t'es entré dans ma vie avec ta divination, Rémi Francoeur, j'ai décidé de régler mon existence sur tes conseils, naturellement. Évidemment. Est-ce que tu as vérifié quel signe astrologique tu étais, finalement? Mon nouveau signe astrologique, oui. Ou mon ancien signe astrologique. Ton nouveau signe astrologique. Je suis rendu vierge. T'es rendu vierge en plus, mesdames, c'est une invitation faite. Mais par contre, attention, la moto, elle peut aussi être un symbole de liberté. Alors, tu vois, on parlait de libertinage, voilà. Peut-être, on sait trop. La présence d'un motard criminalisé dans le rêve suggérerait quelques comportements anarchiques. Ah non, j'étais pas criminalisé. Tu vois, on comprend que souvent la définition d'un rêve peut être très, très personnelle parce et que donc, là, on associe automatiquement un motard criminalisé à un comportement anarchique. Mais il n'y a rien de bien surprenant là-dedans, au fond. Tout ce qu'on voit, dans l'interprétation. Et finalement, je trouve ça honnêtement pas mal moins fou que ce à quoi je m'attendais. Oui, oui. Je suis une personne qui est en quête de liberté et qui aime, je veux dire, les femmes et le rock'n'roll. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien spécial à ça? Non, au contraire, je trouve que c'est très judicieux et j'aimerais ça que tu poursuives. Ben écoute, on pourrait continuer avec la langue et d'autres parties du corps, mais je voulais moi, j'aimerais ça en entendre sur Mathieu aussi. Ben, ah, Mathieu, oui? Avais-tu un rêve cette nuit dont tu as une mémoire? Pas cette nuit, je vais t'en raconter un, mais pas cette nuit. Moi, ce qui me surprend dans mes rêves, tu disais, bon, on rêve à tous les jours, même si tu t'en rappelles pas, t'en as eu un quand même. Ça doit faire, ça se calcule en années, le nombre de temps que ça fait que j'ai pas, que je me suis pas souvenu d'un rêve. Vraiment? Je me souviens jamais de mes rêves. J'essaye, j'ai beau y penser avant. Tu sais, on dit que tu peux te conditionner à rêver à quelque chose, puis après ça, tu vas peut-être t'en rappeler. Ça marche pas. Par contre, il y a peut-être, là, c'est quand j'étais jeune, ça fait vraiment très longtemps, là, ces affaires-là, ces rêves-là. Il y en avait un qui m'intriguait. C'était, je marchais dans la rue, OK? C'était la nuit, donc aucune lumière. Par contre, il y avait comme des ampoules, OK? Par terre. Donc, des ampoules électriques, là. Ouais, c'est ça. Donc, okay. La lumière, mais par terre. Et puis, toutes les maisons où je passais étaient soit détruites ou en feu. Tu sais, c'est quand même assez précis comme... c'est lugubre et bizarre comme rêve, mais ça m'a marqué. Et c'est le dernier que je me rappelle. T'sais. C'est probablement assez traumatisant. Est-ce que tu t'es réveillé en soir comme si c'était un cauchemar? Okay. Et j'y repense souvent à ce rêve-là, mais j'ai pas eu ce rêve-là de nouveau. Ah bon? Donc, ça m'intrigue. C'est bizarre. Hein? Très intéressant. Mais je rêve pas, on dirait. Donc, c'est ça quand même qui est intéressant aussi avec le fait de parler de rêve ici en ondes. On dépasse le sujet de la divination proprement dite pour aller carrément un peu dans la psychanalyse. C'est une partie de psychanalyse, mais en même temps, c'est une partie qui nous... Souvent, pour les gens, c'est paranormal. On n'a pas contrôle là-dessus. Ouais. On sait pas comment gérer le rêve. Puis on dit, oh, ben ça n'a pas rapport, j'ai rêvé à ça, blablabla. Bla, bla. Mais en réalité, je crois, et pertinemment, on sait tous très bien que le rêve est un message que notre subconscient nous envoie lors de notre période de sommeil. Tu vois, j'ai cherché ampoule, mon dictionnaire veut pas me parler des ampoules, peut-être d'une peur quelconque, mais il me parle de lumière. Ouais, lumière. La lumière dans un rêve signifie d'habitude l'illumination. La lumière au bout du tunnel, si j'ai la fin d'un projet difficile, par exemple. Il a vu la lumière correspond à l'appréciation de résultats. La lumière est fortement liée à la confiance. Ah. Quand la lumière apparaît dans les rêves, nous sommes dans un processus de changement, d'amélioration. Une lumière très brillante symbolise souvent le développement de l'intuition et de la compréhension. Diverses techniques utilisant des flammes de bougies et d'autres sources de lumière peuvent être utilisées pour augmenter cette faculté. Spirituellement, une lumière brillante symbolise la manifestation de la divinité, la vérité ou la connaissance directe. Souvent, cette connaissance, c'est au-delà de la forme et apparaît donc comme énergie de l'esprit. Ah, wow! Tu vois, on a quand même une partie qui nous en explique un peu quelque chose, mais souvent, on est un peu déstabilisé. Et je suis resté accroché tout à l'heure, Mathieu, tu m'expliquais que tu avais de la difficulté à te concentrer, tu parlais des préparations peut-être avant de s'endormir pouvoir rêver. Bon, il y a la relaxation, la méditation, la visualisation, donc de penser qu'on va rêver cette nuit, donc de se détendre avant de s'endormir. C'est sûr que si on s'endort à 4 heures du matin après avoir fait un gros travail de session ou très stressé, fatigué mort, c'est pas aussi facile de rêver, mais pourtant, c'est souvent dans ces périodes-là où on est dans un sommeil très agité qu'on va rêver le plus. Okay. En même temps, il faut faire attention parce que notre rêve va être séquencé par ça un peu, si on veut, dirigé par notre stress. Alors, la relaxation est une bonne technique et je vous donne une relaxation très simple à tout le monde à faire. En fait, il suffit simplement de détendre chacun des muscles de votre corps couché sur le long, sur le dos. Alors, on sait évidemment qu'en période de sommeil, la position la plus confortable, la meilleure pour le corps, pour la détente de tous les muscles du corps, c'est sur le dos et idéalement même sans oreiller. On est habitué d'avoir des gros oreillers bouffants, mais d'avoir le derrière de la tête à la même hauteur que les omoplates et que le fessier. J'aime ça parler comme ça, je trouve ça le fun, le fessier. Des termes médicaux. Oui. Il y a beaucoup de gens à l'université de toute façon qui m'écoutent et qui jugent ce que je dis par rapport au corps et à la psychanalyse, alors je fais attention. Alors la technique de relaxation, on commence par les orteils, contractez d'abord, puis détendez tous les muscles de votre corps pour identifier la différence entre le fait d'être contracté et d'être détendu. Donc on conseille de crisper les muscles, de les décrisper deux ou trois fois et on essaie de se concentrer sur chacune des parties du corps. Donc on commence par les orteils, on y va dans les chevilles, les mollets, les genoux. Évidemment, c'est pas tout le monde qui peut différencier muscle par muscle dans son corps, donc on peut y aller par exemple par les pieds, les jambes, les hanches, le bassin. Ensuite, on remonte jusqu'à la poitrine. C'est une technique de relaxation dont j'avais déjà entendu parler. Et elle a justement cette propriété-là de donner de plus en plus de contrôle sur les muscles individuels du corps. Exactement. En fait, donc ça nous fait prendre conscience de notre corps. Et notre corps dirige l'esprit et l'esprit dirige le corps. Évidemment, c'est interrelié. Je parlerai très bientôt, d'ailleurs, dans une autre de mes chroniques de la puissance du psychosomatisme. Donc, la puissance du corps sur l'esprit et l'esprit sur le corps. Que ce soit pour les maladies ou pour différentes analyses de la personne. Alors, la relaxation est très simple. Donc, on va y aller par les mollets, ainsi de suite. On va monter jusqu'en haut de la, jusqu'à la tête, finalement, pour forcer du visage et du crâne, qui sera la dernière étape, puis l'étape principale. Et si on étudie, par exemple, différentes études des chakras, les chakras qui sont les 7 zones d'énergie sur le corps, on se concentrerait, évidemment, les chakras sont très reliés aux rêves aussi. On se concentrerait sur les 7 chakras. Le dernier chakra est au-dessus de la tête, donc dans le vide. Donc, c'est comme le sur-moi qui serait là aussi en même temps. Donc, en dirigeant dans une direction précise, on pourrait se rendre jusqu'à avoir nos chakras plus ouverts, donc plus aptes à recevoir l'énergie universelle qui nous enverrait dans le monde des rêves directement. On peut l'étudier plus scientifiquement en se disant simplement que plus le corps est détendu, plus on est relax et donc plus notre stress va se diminuer et on va être capable ensuite d'avoir un rêve plus crédible et aussi de mieux s'en rappeler le lendemain matin. Alors, les fameuses techniques de boire beaucoup d'eau avant de s'endormir, boire de l'eau le matin en se levant va nous aider. Et je vous parle beaucoup de sommeil, car le sommeil est lié au rêve. Mais pour le rêve, le meilleur truc, c'est réellement d'avoir un crayon papier. Et si jamais on a une image floue qui nous revient en tête, de l'écrire dès le moment du réveil. Donc, si il est 4h du matin, on se réveille en sursaut, on sait pas trop pourquoi, on avait l'impression que... On peut écrire « j'avais l'impression que blablabli ». Ah, tu vois, se réveiller dans le milieu de la nuit, ça m'arrive là, depuis quelque temps. Je me réveille le milieu de la nuit, ça doit vouloir dire que je suis en train de rêver. Souvent, les moments de réveil comme ça, dans le milieu de la nuit, soit que t'as envie de pipi, soit qu'il fait très froid, soit que t'es en train de rêver. Ah. C'est les trois possibilités. Et souvent, on est conscient donc, des deux si premières. Même si c'est une impression qui est un peu brouillée ou nébuleuse, on écrit spontanément, hein, c'est spontanément, ça? la première chose qui nous revient en tête. Et lorsqu'on l'a écrit, ben, ensuite, le lendemain matin, peut-être qu'en relisant, on va se remettre dans l'émotif ou dans l'état qu'on était. Et on va se rappeler la totalité du rêve. Mais c'est drôle parce que tu parlais du chakra flottant au-dessus de l'homme. Et puis, que tu comparais au surmoi, mais justement que ce soit Nietzsche avec le surmoi, c'est bien lui qui arrivait avec le concept. Il me semble, oui. Il me semble. Ou bien que ce soit les chrétiens avec l'auréole, ou que ce soit les hindouistes avec leur chakra, ou que ce soit les bouddhistes avec l'aura. Je pense que dans tous les cas, on parle de la même chose, n'est-ce pas? En fait, on pourrait l'analyser ainsi, mais on aurait besoin d'une émission complète sur le paranormal pour pouvoir mieux le développer. Mais si c'est tout le temps que j'avais pour vous, c'est tout le temps que l'émission avait pour moi, j'espère que je vous ai aidé un peu par mes exemples et je vous invite à aller fouiller sur Internet ou trouver un bon livre dans une bonne librairie. Moi, j'ai le dictionnaire des rêves et leurs interprétations par Pamela G. Ball, mais vous pourriez bien vous en trouver un tout autre qui ferait aussi bien l'affaire, sinon peut-être mieux pour vous. C'est un très grand livre que t'as. Il est très épais et très rare. C'est un dictionnaire, c'est une bible du rêve, mesdames et messieurs. Voilà. Merci Rémi Francoeur. Il n'y a que toi pour me mettre à nu aussi crûment qu'ainsi devant nos auditeurs. Et j'ai aucun regret de l'avoir fait parce que ça l'a servi à une cause noble, la science. Hey, j'ai bien aimé t'imaginer en chop. Peut rentrer dans sa propre bouche. Oui, l'image est très belle pour moi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. La chronique, c'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On va s'enseigner des choses, François-Olivier. Hein? Vas-y. Arrête avec les silences aujourd'hui. Savais-tu que... Je dis que c'était pas bon, fait que je parle pas. Tu vas aller en enfer. Monsieur Patate, tu connais Monsieur Patate? Oui. L'original Monsieur Patate n'était pas une patate de plastique. C'était une vraie patate. Oui, moi, je collais. Tu collais des affaires dessus, des vrais morceaux, ben, des morceaux de plastique dans une vraie patate. On se comprend. Voilà. Ensuite, les machines distributrices tuent 4 fois plus de gens par année que les requins. Parce qu'ils tombent sur les gens. Exactement. Entre 1978 et 1995, au moins 37 personnes sont mortes en brassant une machine distributrice pour avoir de la marchandise gratuite. 2 à 3 morts par année. Alors que depuis la dernière décennie, il y a eu un total de 6 morts enregistrés par des attaques de requins aux États-Unis. En moyenne, donc, ça fait 0.6 morts par année. Wow! Savais-tu que le pipi de chat... Hein? Brille sous la black light, tu sais, la lumière, là, la black light qu'on utilise pour plein de choses. À cause d'ammoniaque? Ça, je pourrais pas te dire, mais ouais, sûrement quelque chose de genre. En fait, si tu sens de l'urine de chat dans ta maison, mais que tu peux pas trouver la tache, il faudrait que tu utilises une black light pour trouver la tache et la laver. Parce que sinon, un chat qui sent une tache d'urine va avoir tendance à plus faire pipi par-dessus encore. Ça va empirer le problème. C'est l'enfer. Quand t'as des problèmes là, avec l'urine de ton chat là, qui se met à uriner partout, là, c'est l'enfer. Pas amusant du tout. Tu connais Splenda, le faux sucre? Oui. Bon. Qui dit ne pas avoir de calories. Ouais. Il y a des calories quand même. Oh, ouais. Et ça, c'est à cause d'une règle quand même assez importante, c'est que les faits de nutrition sont arrondis. Donc, les calories des nourritures qui sont... Ben, dans le fond, les calories des nourritures sont arrondies aux 10 calories les plus proches. Si il y a moins de 50 calories par portion, là, on arrondit aux 5 calories les plus proches. Donc, tout ce qui a moins de 5 calories, donc... C'est comme si... C'est 100 calories, c'est zéro. Donc, une portion de Splenda, qui est une cuillerée à table, n'a que 2 calories. Donc, légalement, ils peuvent dire que ça n'a pas de calories. Mais il y en a 2. Hein? En plus de ça, un sachet de Splenda a plus qu'une portion dedans. Il y a plus qu'une cuillerée. C'est en fait plus proche de 4 calories, donc. Mais on dit quand même 0 calories. Hein? Ah. C'est quand même le quart des calories que du sucre. Donc, c'est quand même... beaucoup mieux que du sucre, ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas zéro calorie non plus. Quelques autres trucs de nutrition. Faible en calories, ça veut dire 40 calories ou moins par 50 grammes de nourriture. Pour un plat principal, ça monte à 120 calories ou moins par 100 grammes. Lorsqu'on parle de calories réduites, c'est 25% moins de calories que l'équivalent de la nourriture, qui serait bon, la version normale du plat. Sans gras, ça veut dire moins de 0,5 grammes de gras par portion. Faible en gras, c'est moins de 3 grammes par portion. Et gras réduit, c'est 25% moins de gras que le plat similaire original. Voilà. Et bien, donc on arrondit quand ça dit zéro. C'est pas nécessairement zéro. Ah, mais c'est je savais que, pas. C'est mieux que trop. T'sais. Est-ce que tu connais les koi fish, les poissons koi? Non. Ils peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Et t'as pas vrai. L'âge du poisson est déterminé par un peu de la même façon que les arbres. Donc, on compte les anneaux, les cercles. La plupart des poissons ont une série de cercles sur leurs écailles qu'on appelle les annulies. Et qui sont utilisés pour calculer leur âge. Le anako, non, le nom du poisson anako, c'est la plus vieille espèce? Pas espèce, la personne, la personne, le poisson, là, monsieur poisson, de ce koi fish. Donc, il est mort en 1977 à l'âge de 226 ans. Eh ben. Est-ce que tu es capable de retenir ta respiration, François-Olivier? Oui, peut-être pas super longtemps. Combien de temps tu penses? Bonne question. Peut-être dans le top, là, 45 secondes. 45 secondes, quand même pas si pire. Ouais, c'est pas mal plus que mes sûrement 15 ou 20 secondes que je serais capable. Respiration pas très bonne. Mais le plus long temps que quelqu'un a tenu sans respirer sous l'eau, c'est 19 minutes et 21 secondes. C'est l'enfer. C'est juste pas croyable. C'est un Suisse, Peter Collat, en 2010, selon le livre des records Guinness. Collat a réussi à... Ben, en fait, ce qu'il y a eu à faire avant de retenir sa respiration, c'est de respirer de l'oxygène pur pendant 10 minutes avant de plonger. Il a performé ça dans un bassin d'eau, dans une foire, là, tu sais, une expo, mettons, ouais. Quelque chose de genre. Donc, il a performé ça là-bas et il a battu l'ancien record de 19 secondes. Donc, dans le fond, pas le record précédent qui était de 19 secondes, là, mais bon, 19 minutes 21 au lieu de 19 minutes 2 secondes. L'ancien record appartenait à un Italien, Nicola Putignano. Et ben, c'est l'enfer. D'après moi, faut que tu te mettes dans un autre état d'esprit France. Complètement. Ouais, c'est ça, exactement. 19 minutes. Je peux même pas imaginer ça. 19 minutes, mais non, c'est... Voyons là. C'est incroyable. Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook. Tu connais le film Social Network. Tout le monde connaît ce gars. J'ai pas maintenant. Vu, par exemple. Mais... Moi non plus, pas encore. Mark Zuckerberg n'est pas le plus jeune milliardaire du monde. Non, la distinction va à son ancien coloc, Dustin Moskowitz. Moskowitz a 8 jours de moins que Zuck et vaut 1,4 milliard de dollars. Seulement 8 Américains sont milliardaires en dessous de l'âge de 40 ans et 3 de ces 8 personnes ont cofondé Facebook, donc Zuckerberg, Moskowitz et Eduardo Severin. Les deux derniers ne sont plus avec la compagnie. Par contre, Moskowitz a quitté en 2008 pour démarrer sa propre compagnie et Severin a plus tard poursuivi Facebook un an après que Zuckerberg ait lâché l'école à Harvard. Même si Zuckerberg n'est plus le plus jeune milliardaire du monde, je suis sûr que ça ne lui dérange pas tant que ça parce qu'il vaut 6,9 milliards de dollars et ça vaut quand même 5 fois plus que son ancien coloc. Ah non, mais puis... Rendu là, hein, c'est pas un problème. On non, s'en fout dessus. Le plus jeune ou le deuxième plus jeune m'en fout un peu. En est plus que toi. Un petit peu. That's it. Un yacht à 1 milliard de dollars. Abordable. Oui, abordable. Donc, c'est un design qui est prévu. Ça va avoir une mini-version de Monaco. C'est une firme britannique qui s'appelle Yacht Island Design qui a dessiné les plans pour ce qui va être le premier yacht d'un milliard de dollars au monde. Une véritable ville sur la mer. Le Streets of Monaco serait un véhicule, disons, de 4 niveaux, 4 étages, 500 pieds de long. Ça va être une réplique des endroits les plus populaires de Monaco. Donc, il va y avoir une piste de go-kart basée sur le Monaco Grand Prix. Non. Oui, plusieurs piscines. des terrains de tennis et de basketball, une piste de danse, une pièce pour 16 invités et 70 employés. Et le coup de grâce, dit-on, l'appartement personnel du propriétaire du yacht va être sur 3 différents étages, total de 4800 pieds carrés. C'est vous pouvez voir des photos sur assemblagerequis.com dans l'article que j'ai posté, évidemment. C'est impressionnant. Et, ben. Et on va terminer avec un chat du Rhode Island dans une maison pour personnes âgées, personnes retraitées, qui a prédit la mort de 50 résidents. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Non. C'est un chat de 5 ans qui s'appelle Oscar. Normalement, il reste tout seul et passe pas tellement de temps avec les patients, sauf s'ils vont bientôt mourir. Docteur David Dosa de la Brown University a originellement publié une étude à propos de ce remarquable félin en 2007. Et depuis ce temps-là, les prédictions d'Oscar ont doublé. Dosa croit que le chat est peut-être capable de sentir biochimie ou peu importe là, qui sont relâchées par les cellules qui meurent un peu de la même façon que les chiens apparemment sont capables de détecter le cancer. Eh ben, donc ce chat-là va accompagner les personnes qui vont mourir à chaque fois parce qu'il sent les cellules mortes. Eh ben, voilà pour la chronique, c'est un fait, François. Merci Mathieu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Dans le dîner de con, 89 FM, moi c'est Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier, toujours avec Charles-André Lambert. Oui, Charles-André Lambert, l'homme singe, me voilà. Et Colin, c'est une belle introduction à ton segment de cuisse, toi. Tout à fait. Je pensais que t'étais une grenouille avec ses cuisses, là. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Oui, vous êtes désormais sous mon contrôle. Et on sait que sous mon contrôle, il n'y a que le soleil qui reluit. Et c'est donc mardi. Et comme à chaque mardi, je vous présente un film, une projection, une vue qui traite de la culture rock. Et aujourd'hui, j'en ai amené une très particulière, une qui est d'ailleurs peu connue. Donc, si vous êtes amateur de cinéma ou si vous êtes amateur de musique rock, écoutez attentivement. J'espère vous faire ici découvrir quelque chose de fort intéressant. Je vous présente le film Crossroads, mais non, il ne s'agit pas de la version avec Britney Spears parue en 2002. Est-ce que c'était un remake, ça, avec Britney Spears, de ce film-là? Non, c'était pas non plus un remake. Et le film de Britney Spears était très mauvais. Ah, t'es vraiment... méchant. En fait, je pense qu'il a été en général classé en moyenne une demi-étoile sur 5 des revues que j'ai vues, parce que souvent, en allant me renseigner sur le film que je vous présente aujourd'hui, je suis tombé sur des renseignements sur le film de Britney Spears. Ça a été très mal reçu. Je suspecte que ça soit hautement mauvais. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter la version de 1986. C'est un film mettant en vedette Ralph Macchio, Joe Seneca et Jamie Gertz. C'est inspiré par la légende du musicien blues Robert Johnson, qui était suspecté d'avoir passé un accord avec le démon pour obtenir des talents de musiciens spéciaux. Il était d'ailleurs soupçonné de ça à cause que la musique blues, en tant que telle, a toujours été associée, comme la musique rock naturellement, au satanisme, à cause de la présence d'une note en particulier qui engendre une dissonance et qui serait réputée pour rappeler le démon, le diable en personne. Et donc, en fait, Fusco était un musicien de blues qui voyageait et faisait de la tournée et finalement a décidé de rentrer dans un conservatoire et se retrouve pris en dilemme entre ses obligations de musicien classique et son intérêt pour la musique blues. Et il finit par travailler dans un hôpital où, dans cet hôpital-là, il y a un des patients qui se trouve à être un des anciens acolytes de Robert Johnson. C'est un musicien qui joue de l'harmonica. Et le jeune homme suspecte que ce musicien-là soit au courant d'une chanson que Robert Johnson aurait écrite, mais que cette chanson-là n'aurait, semble-t-il, jamais été diffusée. Et donc, lui, son objectif, c'est de partir sur les traces de Robert Johnson afin de découvrir cette dernière chanson mystérieuse. Et là, le vieil homme profite de l'occasion pour s'évader de cette espèce d'hôpital-résidence de personnes âgées à haute surveillance. Et les deux partent ensemble comme des hobos sur la route afin de découvrir cette dernière chanson-là. Et bon, ben là, en chemin, ils rencontrent des demoiselles, des gens bien intentionnés autant que mal intentionnés. Ils vivent toutes sortes de péripéties pour finalement se retrouver à faire un duel de musique contre le diable, plutôt contre le représentant du diable en personne, afin que ce vieux bonhomme, surnommé Mad Dog, ce vieux bluesman, puisse regagner son âme qu'il avait lui aussi perdue. Et c'est donc un film qui part très doucement sur un ton tout à fait folk, sur un ton tout à fait blues, et qui finit par être littéralement épique et poignant. En fait, ça, c'est énormément venu me chercher parce que, premièrement, j'adore la culture rock, mais aussi à cause que le protagoniste est joué par le Karate Kid en personne. Et on sait que le Karate Kid mérite respect. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, je vous parlais d'un duel à la fin, un duel où l'âme d'un des bluesmen était en jeu. C'est un extrait du film que j'apprécie beaucoup. Je vous l'ai amené aujourd'hui. On va l'écouter, mon cher Mathieu. Oui, Crossroads. Là. C'est parti. On vient d'entendre un extrait du film Crossroad paru en 1986. C'est un film qui traite de la musique rock et blues et en fait généralement de la culture rock. Le film a été écrit par John Fusco et réalisé par Walter Hill. La musique originale a été composée par Steve Vai, dont on a pu même entendre un court extrait ou une courte humeur de l'album Passion and Warfare dans le duel de guitare tantôt. J'ai même l'impression qu'à ce moment-là, il faisait un peu la promotion de son album et c'était une espèce de tentative de marketing croisée. Mais parlons surtout de Ry Cooder qui jouait la partie de guitare du Karate Kid. C'est un grand guitariste de l'époque, réputé pour sa technique de slide guitar. En fait, je vous recommande fortement d'écouter le film au complet. C'est très agréable, c'est très divertissant et aussi très accessible. N'importe qui vraiment peut écouter ça. Même si vous n'aimez pas la musique que je qualifierais de heavy, c'est en général surtout blues comme film. Donc, à peu près n'importe qui vraiment peut apprécier cet excellent film paru en 1986. Crossroads. Je vous le recommande. Crossroads. Maintenant, c'est ta chronique du rock alphabétique, Chandré. Tout à fait, c'est ma chronique du rock alphabétique. Hier, je vous ai présenté une pièce de Genesis Live. Aujourd'hui, on va continuer avec la lettre G. Mm-hmm. Je vous ai amené une pièce de la célèbre formation de Los Angeles, Guns N' Roses. Il s'agit de la pièce Mr. Brownstone. On va aller écouter ça immédiatement. On s'en reparle tout de suite après. Profitez-en, vous êtes dans le Dîner de cons jusqu'à 13h. Guns N' Roses avec l'excellente pièce Mr. Brownstone, une pièce aussi controversée que le groupe en tant que tel. C'est une pièce qui a été écrite qui apparaît pour la première fois en 1987 sur leur album Appetite for Destruction. Donc, elle a probablement été écrite dans l'année précédant la sortie de l'album. On sait que c'est une pièce qui a été écrite par Easy et Slash. C'était deux amis qui consommaient ensemble de l'héroïne et peut-être même d'autres substances. Et en fait, il raconte dans les paroles de la chanson, « Autrefois, j'en faisais un peu, mais un peu est devenu de plus en plus. Un peu ne suffisait pas et donc devenu de plus en plus. » Et ça décrit un peu la spirale infernale dans laquelle sont entraînés les héroïnomanes, puisqu'il semblerait que brownstone soit un terme de slang américain pour décrire l'héroïne. C'est ce que je lis en ce moment sur la version anglophone de Wikipédia. Sinon, l'excellent album Appetite for Destruction, qui est de loin le meilleur album de Guns N' Roses, et je dis de loin, et c'est d'ailleurs nettement mon préféré. Il faut savoir que c'est leur premier album. En fait, ils combinent des éléments de hard rock, heavy metal, blues rock, punk rock et sleaze rock. Cet album a atteint la première place des meilleures ventes d'albums aux États-Unis et a été certifié 18 fois disque platine par la Recording Industry Association of America. Il apparaît pour la première place au classement des meilleures ventes pour un premier album devant le groupe Boston avec ses 17 millions d'albums vendus et Alanis Morissette avec ses 16 millions d'albums vendus. Donc, un succès foudroyant. Je m'excuse, mais 18 millions d'albums vendus, c'est tout à fait respectable. Oui. Et donc, sinon, la formation Guns N' Roses, la plus célèbre formation rock de Los Angeles, se passe de présentation. Mais bon, pour ceux qui ne la connaîtraient pas bien, elle a été formée en 1985. Elle est menée par le chanteur Axl Rose, qui est devenu finalement l'unique propriétaire de la franchise après avoir carrément trahi ses co-musiciens. En s'appropriant dans leur dos le nom Guns N' Roses au cours de la tournée Use Your Illusion. C'est une des choses qui a mené à la dissolution du groupe. On sait qu'il y a aussi les divergences musicales qui n'ont pas aidé. Malheureusement, je pense qu'on verra jamais une reformation intègre de Guns N' Roses. Probablement jamais même une collaboration entre Axl Rose et Slash. J'espère que la vie va me prouver que j'ai tort parce qu'on aimerait beaucoup les voir travailler ensemble à nouveau malgré l'attitude exécrable de Axl Rose. On ne peut que souhaiter alors. Oui, exactement. Merci beaucoup, Charles-André Lambert. Ça me fait extrêmement plaisir, Mathieu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Roulette. François, devine. Nouvelle du futur. Quelques nouvelles du futur dans la chronique CLX de cette fois-ci. Hein? J'aime ça quand tu me parles du futur. Ce qui s'en vient, là, j'adore. T'es un homme d'avant-garde, je dirais. Je suis un geek. Oh oui, tu... Non. Tu te considères... Attends. Ouais. Numéro 2. Ah, oui, geek du caca. Commençons avec des lunettes intelligentes. Tiens, une petite révolution se prépare dans le secteur de l'optique avec l'arrivée prochaine des premiers verres électroniques. Nous un article de Branchez-vous. Les verres électroniques nommés M-Power ont été développés par l'américaine Pixel Optics. Ces verres ont toutes les chances de changer la vie des presbytes utilisant des verres progressifs ou à double foyer, offrant une correction de la vue à trois niveaux d'éloignement. Bon, puisque la partie du bas corrige la vision de près et que le reste de la surface des verres pallie une vision déficiente à des niveaux intermédiaires et éloignés, leur utilisation nécessite parfois une adaptation digne d'être un entraînement pour voir convenablement ou pour éviter d'avoir la nausée. Ah, tu vois, je ne savais pas ça, qu'avec la presbytie, c'était difficile de voir dans les lunettes. Moi non plus. Je pensais que c'était cher d'avoir ces lunettes-là et que c'était compliqué de les faire. Je savais pas que c'était difficile à porter. Les verres électroniques représentent la solution idéale au problème de distorsion des images, car ils permettent à leur utilisateur de ne plus avoir à gérer des couloirs de correction progressive typiques aux verres traditionnels pour les personnes presbytes. Donc, M-Power corrige continuellement les visions intermédiaires et éloignées sur la surface entière des verres, tandis que la vision de près est corrigée par l'activation de cristaux liquides dans la partie du bas, François. C'est impressionnant. C'est vraiment fort. Lorsque l'usager souhaite activer les cristaux liquides pour lire un roman, par exemple, il a deux choix. Soit il peut, écoute bien ça, caresser brièvement l'une des branches de ses lunettes pour les activer manuellement, ou la toucher plus longuement pour démarrer le mode automatique. Boy, c'est sensuel, ce temps-là. Ça n'a pas de sens. Les verres s'ajusteront par la suite en détectant le degré d'inclinaison de la tête. Une tête baissée activera les cristaux liquides pour permettre à l'usager de profiter d'une vision de près et se désactiveront presque instantanément une fois que l'usager relève la tête. Je capote. Je trouve ça vraiment génial. La monture est spécialement adaptée aux verres électroniques et est dotée d'une pile rechargeable, disposant d'une autonomie estimée à 3 jours. Les lunettes sont vendues avec une station de recharge. Donc, évidemment, c'est comme ton cellulaire. Tu arrives à la maison, tu mets tes verres de contact ou peut-être des lunettes, je sais pas, plus normales. Tu les mets sur le chargeur avant de te coucher. Mais non, je sais pas. C'est super. Puis, y a-tu un prix? Je vais continuer ça l'article. Ça doit être très cher. Je crois qu'il n'y a pas encore de prix là-dessus. Il n'y a pas besoin de se précipiter pour appeler sa clinique d'optométrie. Par contre, puisque les verres électroniques sont en phase expérimentale depuis le début de l'année aux États-Unis, donc c'est d'ici 10 ans, selon les experts, que cette technologie va dominer le secteur du verre ophtalmique. Elle permet d'envisager à moyen terme des versions de verres avec variation de puissance sur ce même principe d'activation ou de nouvelles générations de verres solaires. Donc, prototype de quelque chose qu'on va, dans le fond, avoir dans le futur. D'où le nom. Nouvelle du futur. C'était une technologie qui a reçu un prix de reconnaissance au CES en 2011, donc cette année, plutôt cette année. Parlons d'une tablette et d'un téléphone 3D LG. Oui. LG a présenté au Mobile World Congress de Barcelone le premier téléphone 3D dont l'écran ne nécessite pas de porter de lunettes spéciales pour percevoir l'effet de relief des photos ou des vidéos. Encore une chose qui m'intrigue vraiment, et sur un téléphone, c'est cool. Tu sais, la 3DS, moi je trippe et j'ai hâte de l'acheter, là. Sur un téléphone, ça va être encore mieux. T'as-tu vu des images de la 3DS? Ben, ce que ça faisait? C'est que le problème, c'est que Nintendo ose même pas sortir des vidéos de des jeux en tant que tel en 3D. T'sais, ils montrent des photos en 2D, des vidéos en 2D. Ils montrent des réactions des gens en jouant à la 3DS parce que ça serait pas fidèle sur YouTube, mettons, ou sur un site web, ouais. Sur un ordinateur où tu peux pas avoir le 3D. Ça t'enlèverait le goût de l'acheter, probablement. Ben, exactement. C'est quelque chose qu'il faut absolument vivre donc en magasin avant de pouvoir juger. Et puis la réaction des gens est bonne. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, les critiques en qui j'ai confiance, il y en a pas beaucoup dans le monde, des critiques en qui j'ai confiance, eux ont l'air de vraiment, vraiment aimer ça. Donc, ça m'a convaincu. J'ai hâte de savoir si c'est si bon que ça. D'ailleurs, il y a un magasin que je n'aimerais pas qui comporte au moins 2 lettres de l'alphabet, surtout du début de l'alphabet, qui offre 125$ de compensation si vous avez acheté une DSi XL comme moi. Parce que moi, mon plan était justement d'acheter la DSi XL, de la revendre à quelqu'un du public et après ça, m'acheter la 3DS. Mais ce magasin avec les lettres du début de l'alphabet, tu t'offres 125$ contre la DSi XL. C'est très, très bien. Moi, je trouve ça très bien. Et c'est très bien. Dans le sens, tu perds un peu d'argent, mais tu perds pas autant d'argent que si tu la vendais dans le public. Peut-être que tu ferais plus d'argent dans le public aussi, mais tu aurais à le mettre sur Internet. Ouais, c'est ça, à l'afficher. Te déplacer. Ça, c'est de la job. Je sais pas. Bref, je vais y penser. Peut-être que j'essaierai de la vendre et si ça marche pas, magasin avec les lettres du début de la fin. Donc, on parlait de téléphone et de tablette 3D. Le téléphone Optimus 3D est animé par Android 2.2 de Google et est caractérisé par la présence de 2 objectifs 5 mégapixels côte à côte afin de pouvoir capter des images en relief. C'est la même chose que la 3DS va faire. Finalement, tu vas pouvoir prendre des photos en 3D. Ça, c'est génial. Toutefois, l'usager doit démarrer l'application 3D Space pour obtenir le contenu optimisé pour ce type de technologie. Grâce à un partenariat établi avec YouTube, les MobiNotes, ça, c'est les internautes les mobiles. MobiNotes? Oui, je déteste la francophonie certaines choses. Ça sonne bien. Auront l'occasion de téléverser ça veut dire uploader, depuis le nouveau téléphone intelligent Optimus 3D par l'intermédiaire d'une application dédiée au traitement de ce type de vidéo. Les usagers peuvent même visionner leur chef-d'œuvre en relief sur l'écran tactile WVGA de 4,3 pouces, bénéficiant de la technologie Parallax, donc, qui ne requiert pas de port de lunettes adaptées. Donc, clairement, LG s'inspire des autres compagnies qui font la même chose. Dans le fond, tout le monde travaille vers le 3D sans lunettes et c'est parfait comme ça. Le téléphone dispose aussi d'une configuration tripartite en étant double cœur, double canal et double mémoire. Ceci est censé lui apporter une performance et une rapidité accrue lors de son exécution. Les vidéos 3D sont pas chose nouvelle du côté de YouTube, qui les rend accessibles depuis juillet 2009 dans une galerie, une page web nommée Galerie 3D. En regard aux caractéristiques du téléphone Optimus, LG l'a doté d'un processeur double cœur cadencé à 1 GHz avec un port HDMI, donc HDMI haute définition sur votre télé jolie. La tablette de LG aussi, tablette 3D qui s'en vient, mais une caméra 3D aussi. Contrairement au téléphone, par contre, l'écran de la tablette de 8,9 pouces n'a pas été conçu pour visionner les vidéos ou les images en relief sans lunettes, seulement pour prendre des vidéos. L'entreprise précise que l'usager doit afficher ses images ou ses vidéos sur un téléviseur 3D. ou les partager sur YouTube 3D. Le coût et la disponibilité des deux appareils au Canada n'ont pas encore été dévoilés par LG Electronics. Mais bon, on sait que ça s'en vient sur les tablettes et sur les téléphones, sur les consoles de jeux, sur les télés. Au cinéma, c'est déjà là. À un moment donné, ça va être partout. Ouais, ça va être partout. Hein? On s'en va, on se dirige vers ça. Il nous l'insère profondément dans la gorge, malgré que les gens sont pas tous ouverts à l'idée. Hein? Mais bon. On va voir. Peut-être que ce sera un flop un jour. Peut-être que ça arrêtera. Comme la mode dans les années, je sais plus quoi, 80, qu'il y avait du 3D partout. On dirait que je suis pas capable de dire si je suis content ou pas. Ouais, hein? On dirait que j'ai pas vraiment de réaction face au 3D. Déjà que les lunettes, ça m'agaçait. Donc, j'imagine que sans lunettes, ça pourrait déjà plus me convaincre. Ouais, ça c'est sûr que ça prend ça. Mais t'as été voir des films au cinéma en 3D? Pas encore, non. Non? Non, même pas. Mais j'ai vu Harry Potter avec une scène du début en 3D avec des lunettes, puis moi ça marchait pas du tout, le 3D là-dessus. Mais pas que ça marchait pas, c'est parce que moi aussi, j'ai été voir Avatar dans le temps. Ouais. Et puis, c'est comme si, écoute, au début, ok, tu remarques que c'est en 3D, mais après ça, après peut-être 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, gros max, il n'y a plus rien. Puis même pendant le film, à un moment donné, je les ai enlevés. Puis ça revenait pas plat, là. Non. Ah, ok. Je sais pas, d'après moi, la maîtrise de la technologie, ça donne pas l'effet escompté. Ouais. Tu sais, en 3D, moi, j'aimerais ça vraiment que j'ai l'impression que. Non, ça fonctionne pas. Non, il y a encore du travail à faire là-dessus. Qu'on mais ils travaillent fort. En tout cas, ils ont de l'air. Ah, ils ont vraiment de la volonté, je pense. Oui, ils veulent que ça fonctionne pour faire le plus d'argent possible. Mais c'est ça, puis j'imagine que le premier qui va sortir ça, de quoi de 3D sans lunettes efficace, lui, jackpot, là. Vraiment. Alors, on va voir si Nintendo a réussi premièrement le pari de le faire, et puis après ça, si Nintendo a réussi, tu peux le faire sur un plus grand écran, puis éventuellement, ça va devenir quelque chose de bien. Bon, on va terminer avec une dernière nouvelle dans le bloc CNX Nouvelles du futur. Un chercheur associé au Centre de recherche allemand sur l'intelligence artificielle de Saarbrücken a développé une interface pour voitures des plus audacieuses. Il permet de contrôler les boutons de commande du tableau de bord d'une voiture à l'aide d'un mouvement de son index sans jamais avoir à lâcher le volant. Le système de reconnaissance gestuelle nommé Jérémine, c'est encore un nom expérimental, est composé d'une série de capteurs électromagnétiques disposés sur le tableau de bord de la voiture. Cette interface exécute les commandes souhaitées en interprétant les perturbations du champ électromagnétique générées par les mouvements de l'index droit du conducteur. Le conducteur doit cependant disposer ses mains sur le volant dans la position qu'on vous recommande lors des cours de conduite, là, le 10h10, comme les professeurs de conduite l'enseignent, c'est ça. Une fois l'index en position, le conducteur pourra démarrer ou fermer l'air climatisé, monter ou baisser le volume de la radio, simplement en effectuant des gestes appropriés. D'après des tests préliminaires effectués par 6 conducteurs ayant utilisé une dizaine de ces gestes, le système de reconnaissance gestuelle Jérémine présenterait une précision de 86%. Les testeurs devaient gérer le système en bougeant leurs doigts de haut en bas, de gauche à droite, ou en dessinant des formes géométriques. S'il est éventuellement commercialisé, les chercheurs estiment que Jérémy ne sera pas très dispendieux puisque chaque capteur ne coûte que 50 cents. Le système de reconnaissance... Oui. Le système de reconnaissance gestuelle a été présenté à l'occasion de la Conférence internationale des interfaces utilisateurs intelligents. Oui, à Palo Alto, en Californie. Christian Muller, le co-développeur et l'un des chercheurs de l'équipe, espère bientôt ajouter un système de reconnaissance vocale à Jérémine. Il permettrait notamment d'envoyer des textos tout en conduisant de façon sécuritaire. Voilà, c'est comme ça que ça va avoir l'air. Le monde va avoir de ça. Hein. Hey! Hey, tu parles d'une affaire? Hein? Ben voyons donc. Envoyer des fingers en volant. Là, pis... C'est bizarre. Je sais que Ford, en fait, juste pour pas la nommer, sorti des commandes vocales. Oui. Tourner à droite, genre? Non, vraiment, tu sais, musical, okay. Pour ton téléphone, répond, envoie message. Ouais, envoyer message. Ouais. Je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas. Je sais pas, avec l'accent québécois, là? Ouais. Pas certain. Je sais pas. Dans l'annonce, en tout cas, ça a l'air très bien. Ah oui, j'imagine. Voilà pour CNX, Nouvelle du futur. Et c'est ça. De retour à Assemblage Requis. Yay! Mathieu Plante! François-Louis Marchand! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Hey, ça faisait longtemps, ta chronique CNX, j'ai apprécié. Ben, une fois par deux mois, c'est mon... Une fois par deux mois, c'est pas pire, ça. Non, mais faudrait que je m'améliore, sérieusement, je veux dire, c'est pas si difficile que ça. Mais bon. C'est intéressant de se tenir à jour, en fait, en tout ce qui concerne la technologie. Et Dieu sait que ça va vite, hein? Et oui. Pep. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Ah tiens, tu parlais que t'aimes les jeunes demoiselles et tout ça. Là, ben, tout filles, le monde aime les jeunes demoiselles, même les jeunes demoiselles aiment les jeunes demoiselles. Ça, t'as bien raison là-dessus. Bon, Nissan et Sport Illustrated qui s'associent pour une campagne de pub sexy. Ça, tu vas aimer ça? Ben là, je veux dire, tout le monde aime ce qui est sexy. Je veux dire, je suis contre toute forme de sexisme, je tiens à le dire. Sauf qu'il faut faire la différence entre sexisme et sexy. Ben oui, ça c'est clair. Donc, on connaît ces deux grosses, ces géants, Nissan et Sport Illustrated. Eh bien, le constructeur automobile Nissan s'est associé à ce magazine qui fait toujours une édition swimsuit magnifique. Oh, tout à fait. Pour créer une série de spots publicitaires, donc intitulée Model versus Model. Hein? Oh. Oh, c'est ouais, une bonne idée. D'un côté, donc, le Juke de Nissan, dernier arrivé du constructeur nippon, et de l'autre côté, Amber Lancaster, modèle qui doit se montrer plus performante que la voiture. Oh! Les publicités mettent en scène des épreuves, des tests qui comparent les deux modèles, mettant à rude épreuve la voiture puis la voluptueuse Amber. L'accélération, l'agilité ou encore l'attractivité des deux modèles sont ici mises en concurrence. Ah, oh, la femme objet, là, j'entends les femmes vouloir brûler leurs brassières en ce moment. Par exemple, pour montrer son agilité, la jeune femme réussit un slalom seulement vêtu en bikini, talon haut au pied. Oh, un slalom à pied? Ben oui, hein? Je veux dire, c'est vraiment... c'est vraiment là, le reflet d'une culture riche et profonde. Je suis vraiment touché. Sur un ton décalé et sexy, le constructeur peut vanter les mérites techniques de sa voiture en y ajoutant des compétences techniques scientifiquement vérifiées. Moi, je vous dis, allez découvrir cette accélération d'Amber et de la voiture en vidéo sur la page Facebook. Tout à fait, c'est scientifiquement vérifié. Ben oui, mais c'est là l'importance du dîner de cons avec des nouvelles très, très pointues. Oui, toujours aussi scientifiques. Exactement. Et puis, ben on sait, même dans le domaine des sciences, hein, y a des ratés. Et puis, il y en a une là. C'est elle vit 6 mois avec des ciseaux dans le ventre. Oui, on en a parlé hier avec Mathieu. Ah, ben d'abord, on n'en parlera pas. Ben là, je veux dire, on peut quand même faire un bref rappel pour les gens qui n'étaient pas avec nous hier. La nouvelle est déjà passée, je viens de la fermer. Ah fait oui? Ben en fait, juste pour, si je peux me permettre, là, c'était juste que la pauvre madame... Ben moi, je l'ai lu, mais vas-y. Oui, mais c'est ça, mais la pauvre madame s'était retrouvée avec les ciseaux à l'intérieur opérer, du ventre. Ils l'ont fermé. Puis ça a pris 6 mois avant qu'ils enlèvent à tousser, puis le bout des ciseaux a sorti. Puis là, finalement, ben l'autre, naturellement, l'autre médecin s'en lave les mains. Et là, de là émanait mon laïus contre ces charlatans. Mais bon, poursuis, Danny, je t'en prie. Donc, on va y aller avec quelque chose. Je pense pas que vous en ayez parlé, parce que j'en ai parlé à Mathieu, puis il connaissait pas. Un gâteau de mariage âgé de 113 ans. Ah non, vas-y, je suis impatient d'en entendre parler. Eh bien oui, c'est en Grande-Bretagne que ça se passe. C'est un gâteau qui a été fabriqué en 1898 et a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Malgré le temps passé, il semble être resté intact. Les cerises qui ornaient celui-ci sont devenues plutôt marron au lieu de rouge, mais le gâteau, lui, a conservé son aspect d'origine, en tout cas à peu près. Il s'agissait d'un gâteau de mariage, une pièce montée à 7, donc perdue de sa fraîcheur, mais étonne par sa durée de conservation. Vieille de plus d'un siècle, elle a survécu aux deux grandes guerres et aux événements majeurs du 20e siècle. D'ailleurs, le gâteau présente une fissure due à l'explosion d'une bombe durant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, il est vraiment marqué par l'histoire, donc. Tout à fait, et ce gâteau est exposé dans la vitrine d'une boulangerie familiale à Bartistoke jusqu'en 1964, OK? Et puis, il a ensuite été stocké dans le grenier de la famille. Mais peu avant sa mort, la fille du boulanger a offert le gâteau au musée Willis pour ne pas que les habitants, en découvrant la pièce montée chez elle, ne pensent qu'elle avait été abandonnée par son fiancé. Oh! C'est quand même beau. Oui. Et puis, vas-y. Mais ça me fait penser à... Bon, tu connais les gâteaux Vachon, là? Oui. Ça, c'était parti par Madame Vachon, à la base. Madame Vachon qui a conservé son gâteau de mariage. Comme ça, ils ne l'ont jamais mangé. Et puis, il est toujours, quand tu vas visiter l'usine, parce que j'avais fait comme l'espèce de tour guidé, ben à la fin, tu retournes à l'espèce de résidence originale. Et là, sous un globe de verre, il y a le gâteau centenaire. Ben, c'est bien, c'est bien. Oui, oui. Et puis, je dois le dire, là, malgré que moi, ces petits gâteaux-là, Vachon, il m'horripile. Ouais. Dans l'usine, ça sentait très bon et tout clair. Ça semblait très appétissant. Ben, puis frais sorti comme ça doit être meilleur qu'en sachet depuis des semaines. Oui, naturellement. La conservatrice du musée, Sue Taplis, a donc expliqué au journal Le Sun que la fille du boulanger, qui n'était pas mariée, a fait du don du gâteau de peur, justement, qu'on ne découvre qu'elle avait été abandonnée. Mais pourtant, c'était pas le cas. Oh, c'est comme une belle histoire d'amour. Et puis, on voit que le gâteau a traversé le temps, comme l'amour traverse le temps, Danny. Et puis, on est toujours un peu dans le thème de l'amour, même si la Saint-Valentin s'éloigne de nous jour après jour. Oui, mais c'est normal, mais c'est pas grave. Viens, tantôt, je sais pas si tu as écouté l'article, mais on disait que dans toute cette semaine du 14 février jusqu'au 18-19, eh bien, si vous voulez, là, en ce moment...

les budgets, les subventions, c'est, je vais juste prendre 30 secondes pour ça, c'est Harper, dans sa promesse, il veut abolir les subventions populaires aux partis. Donc, quand on vote pour un parti, il y a 2 $ que le gouvernement donne aux partis à chaque année. Donc, conservateurs recueillent bon an mal an quelques millions de dollars, les libéraux beaucoup moins, quasiment le 2/3 de moins que les conservateurs. Et le Bloc québécois, c'est chaud Québec, donc il recueille à peu près 200 000. C'est pas gros, là, mais quand même, c'est un argent de base. Ouais. C'est un budget de roulement qui est récurrent d'année en année. Là, les conservateurs, ils ont dit, on est dans un temps économique difficile. Il faut faire attention aux dépenses du gouvernement. On va couper ça. Maintenant, ça va être comme aux États-Unis. C'est, si t'es riche, subventionne ton parti. Si t'es pauvre, ben, subventionne-le pas. Mais le problème là-dedans, c'est que les grands partis établis peuvent compter sur un membership, sur un réseau pour collecter des fonds. Mais un nouveau parti qui émerge pourra jamais avoir autant d'influence. Donc, ils vont aller recueillir des enveloppes d'argent de quoi? De 2-3 000 $ par année. C'est même pas assez pour faire vivre un parti 6 mois de temps. Là. Ouais, c'est mieux de pas subventionner les partis politiques et d'acheter des F-18 à la place. 65 millions qui vont servir à rien parce que ça fonctionne pas, ça a l'air au Canada, ces avions-là. Ils peuvent pas atterrir dans le Nord. C'est pour le Nord qu'ils les ont achetés. Donc, un autre dossier. Merci beaucoup, François Landry. Fait plaisir, Mathieu Plante. On te retrouve merci jeudi prochain à 8h30 pour ta chronique Logocratie 101. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles André. Tout à fait, vous êtes dans mon segment de cuisse, autrement dit, vous êtes sous mon contrôle. Et aujourd'hui, on va apprendre des choses encore plus intéressantes que d'habitude. Est-ce possible? Oui, car aujourd'hui, je vous apprends à confectionner le plus délicieux des sandwichs. On sait que le mercredi, j'arrive avec une chronique culinaire pour les étudiants et les non-étudiants aussi. Et je vous... Mais pour tous ceux qui mangent. Tous ceux qui mangent vont être intéressés par cette chronique-là, en effet, Danny. Et on sait que les sandwichs ont été inventés par le comte de Sandwich. Et non, ce n'est pas Sable Sorcière, c'est une région. Il y avait un comte qui présidait à cette région-là. C'était le comte de Sandwich qui a dit « Moi, j'aime jouer aux cartes, j'ai pas vraiment le temps de manger. Tu vas me mettre un morceau de viande entre deux tranches de pain, that's it, that's all. » Et puis, il mangeait ça en jouant aux cartes. Jouant. Et il a inventé le fameux sandwich. Et bon, cet aliment prisé et confectionné de façon, toujours plus diversifiée à chacune de ses déclinaisons. Aujourd'hui, on apprend comment confectionner le sandwich. Oh! Le sandwich suprême. Alors, je vais commencer par vous lire la liste des ingrédients. Vous n'êtes pas obligé de les prendre en note parce que je vous encourage à toujours cuisiner ça au feeling. Si vous manque 2-3 petites affaires, lancez-vous dans le sandwich quand même. Si vous n'avez pas de pain, c'est peut-être juste là. Ben, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais que si vous avez juste du pain baguette, ben, coupez ça sur le sens du long puis faites-vous un sandwich avec ça. Ça va être succulent. Et donc, on a besoin de gras de bacon, de beurre, de moutarde de Dijon, de mayonnaise, de ketchup, de sauce soya, d'ail, de tomate, de laitue romaine, bacon, poitrine de poulet, sel, poivre et pain. On dirait que tu as mis tous tes ingrédients chez vous dedans. Non, en fait, ce n'est pas le cas. Vous allez voir, durant la préparation, tout prendra son sens. On commence par faire fondre notre gras de bacon dans une poêle. Non! Oui, et là, on met la température moyenne, à élever, parce que notre but, ça va être de faire cuire notre poitrine de poulet. Pas besoin de prendre une poitrine au complet. Je dirais un tiers de poitrine, ça suffit amplement au sandwich, et défaites-le en petits doigts, je dirais, ou en petits filets. Lanière, merci. Et que vous faites griller comme ça dans votre gras de bacon, normalement, je vous suggère de le faire cuire jusqu'à ce que vous obtenez, la caramélisation désirée. Là. C'est important qu'il soit quand même grillé. Là. Okay. Donc, on fait griller le poulet dans le gras de bacon. Une fois que votre poulet est bien grillé, vous pouvez déglacer la poêle. Donc, c'est important de ne pas mettre trop de liquide. Pas trop de gras non plus. Pas trop de gras en quantité. Exactement. exactement, parce que ça va rentrer dans votre composition de sauce. Et donc, vous mettez, j'imagine, environ 3 cuillerées à soupe d'eau, là. Moi, généralement, je le fais avec du vin. Je trouve que c'est nettement meilleur, mais bon, on n'a pas toujours à portée de la main. On peut déglacer avec de l'eau. Ça fonctionne. L'important, c'est d'avoir le jus, là. Et là, bon, justement, pas trop de jus, sinon vous allez obtenir une sauce liquide. Et c'est à ce moment-là que vous rajoutez un peu de sauce soya, comme ça, on y va au feeling. Et là, on rajoute le ketchup et on brasse ça dans le fond de la poêle pour obtenir une espèce de sauce barbecue qui vient enrober notre poulet. On laisse ça reposer. Comme ça, la sauce va un peu épaissir et s'imprégner. S'imprégner dans le poulet. Dans le poulet. Bon, ensuite de ça, il faut faire cuire notre bacon. Donc là, on revient en arrière. On avait besoin de gras de bacon. Ça pourrait être intéressant de le faire cuire avant notre poulet. Pour avoir le gras. Pour avoir le gras, déjà. Alors, prenons pour acquis qu'on a notre bacon et notre poulet. Tout le monde est capable de faire cuire du bacon dans une poêle. Tout le monde sait que le truc, c'est de le partir fort, mais d'immédiatement le baisser au plus doux. Juste qu'il parte. Et puis là, une fois que la cuisson est démarrée, il faut laisser ça aller tranquillement pour obtenir un bon cuir de vache. J'espère que ça vous met en appétit. Et donc, ensuite de ça, on met nos fameuses pièces de pain dans le grille-pain et on enclenche le toaster. Compliqué, ça, là. Là, il y a un moment d'attente là, qui est époustouflant jusqu'à ce que les toasts sortent. Et puis là, de la façon qu'on va procéder, OK, on va prendre la tranche de pain du bas. OK, c'est important que toutes les tranches en sortant du toaster soient immédiatement beurrées afin que le beurre pénètre bien dans la tranche. OK. Et là, à ce moment-là, on prend notre tranche de pain du bas. OK. Là, ça va être moutarde de Dijon. Allez-y de façon tout à fait normale. Ensuite de ça, là-dessus, on va déposer notre poulet. OK. Ensuite de ça, sur le dessous de l'autre tranche de pain pour qu'il y ait de la garniture à chaque étage, on met un petit peu de mayonnaise et là, on dépose ça. Et sur l'autre aussi, on remet... OK, toi, c'est de type club un peu, là. Oui, exactement. On remet de la mayonnaise et là, on met notre bacon. Ensuite de ça, nos fameuses tranches de tomates sur lesquelles on met sel et poivre. Et là, on met un peu d'ail cru, je dirais, l'équivalent d'une gousse. Oui, vous pouvez mettre une gousse au complet, ça ne sera pas trop. Vous pouvez même en mettre deux, ça ne sera pas trop. Hachez-le, ça va être bon pour votre santé et ça va être excellent au goût. C'est indispensable de mettre de l'ail cru dans ce sandwich-là. Ensuite de ça, ça va être important de mettre la laitue. Moi, je vous suggère la laitue romaine. Lavez-la bien, enlevez seulement la base du pied, mais gardez le croquant au milieu. Vous pouvez même la hacher pour que ça soit bien divisé dans le sandwich. Mais c'est le croquant qui amène le petit goût sucré et juteux qu'on apprécie tant de la laitue. La laitue qui est un élément indispensable au meilleur sandwich au monde. Et là, ensuite de ça, sur notre autre tranche de pain, on applique gaiement de la mayonnaise pour agrémenter tout ça. On installe ça et là, on obtient un sandwich à deux étages. Le club sandwich est un sandwich à trois étages. Et là, avec un couteau, on va couper au milieu le sandwich. J'ai vu faire ça en France. On obtient deux moitiés de sandwich. Ben, je fais toujours ça. Tu niaises. Je niaise, exactement. J'essaie de divertir nos auditeurs adorés. Et là, on obtient le meilleur sandwich au monde et c'est d'une simplicité irréprochable. Je pense que c'est assez clair. Chacune des étapes est assez facile à exécuter. Mais je vous le dis, quand vous allez prendre la première bouchée de sandwich, vous allez lever les yeux vers le ciel. C'est tout à fait délicieux. Non, je t'invite à venir en manger un chez moi officiellement, Danny, et comme ça, tu vas pouvoir partager en ondes tes impressions sur le fameux sandwich. Non, mais c'est parce que pourquoi je ris, c'est que je fais le meilleur club sandwich au monde. Oui, j'imagine. Sauf que là, il ne s'agit pas tout à fait d'un club sandwich. C'est pas mal ça. C'est similaire. Poulet, tomate, bacon. Il y a un twist avec le ketchup, sauce soya, la petite sauce qu'on fait dans le poulet, et je te dis, ça fait vraiment une grosse différence parce que ça amène un petit côté thai ou je sais pas, barbecue, un peu comme on trouve dans les sandwichs chez Subway, là, par exemple. Okay. Donc, oui, à la base, Si vous voulez un vrai commentaire, là, l'idéal dans tout ce qu'il a dit, ça serait de se faire tailler votre bacon, parce que si vous achetez du bacon du commerce déjà taillé, vous perdez beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de goût. Oui. Parce que c'est pas très bon du bacon du commerce, là, plein d'eau. Là. Vous payez surtout pour de l'eau, c'est en effet. Donc, merci beaucoup pour le conseil. Et naturellement, bon, c'est sûr que le meilleur sandwich au monde ne se constitue pas avec de la pieuvre puis deux planches de bois. Non. Là. C'est pour ça que ça ressemble peut-être un petit peu à un club sandwich, mais la variante que j'y ai amenée est quand même assez intéressante. Je vous suggère de l'essayer. Et puis c'est sûr que aussi l'intérêt d'un sandwich, c'est que c'est un repas rapide. Oui. C'est un repas facile à faire qui coûte complet, pas trop cher. Complet, assez rapide. Exactement. Donc la dernière fois, j'avais parlé de choses plus assises, si je puis me permettre l'expression. Là aujourd'hui, je voulais arriver avec quelque chose très bon. D'un petit peu plus rapide. Je te taquinais, Charles. Ah, oh, je le sais, puis je le prends très bien, Danny. Sauf que je t'invite quand même néanmoins à venir en manger un et à partager ton expérience avec les auditeurs. C'est clair, parce que ce sont tous des ingrédients que je trouve bien intéressants et qui ont un goût qui se marie très bien ensemble. Naturellement. Donc voilà. J'ai faim. Tu t'as réussi. Je me suis moi-même donné faim. Écoute, et c'est ce qui conclut ma chronique culinaire d'aujourd'hui. Wow. On pourrait peut-être poursuivre avec la chronique du rock alphabétique. Certainement. Donc aujourd'hui, on entame la lettre H. Oui. Tel que promis, je vous ai amené une pièce d'harmonium. C'est une pièce de 11 minutes, une pièce qui est excellente. On s'en reparlera au retour. On va aller écouter ça immédiatement. Profitez-en. Attention, parce que c'est doux. Vous êtes dans le dîner de con jusqu'à 13h. C'était commencé, mais tu sais comment ça commence, cette pièce-là? Hein? Ah oui, naturellement. Profitez-en. Profitez-en, harmonium. Et puis Charles-André va vous parler, mais je veux pas déranger la musique. Là. Thank you.

La formation Harmonium, je m'en allais dire Ammonium. Hamburger. Oui. C'est tantôt qu'on parle de bouffe. Exactement. On écoutait cette pièce-là en se remettant en appétit. Mm. Parce que, bon, j'ai déjà lancé le bal avec mon histoire de sandwich tantôt, sauf que là, en plus, l'heure du dîner est déjà dépassée. Tout à fait. Et oui, donc, on vient d'entendre le premier ciel qui est sur la face B de cet album double qui est Leptade. Qui est le troisième album du groupe québécois Harmonium, en fait. Ce double album est le dernier du groupe enregistré en studio, le dernier véritable album d'Harmonium, et, étant un de leurs dernières tournées. Leptade est sorti en 1976 aux éditions Columbia. Le tirage original de cet album était disponible en édition vinyle 2 disques, puis une version CD a été rééditée. J'ai eu la chance d'avoir la version en vinyle chez moi que j'écoute régulièrement. Je ne sais pas exactement à qui elle appartient, mais je suis bien heureux de l'avoir et je l'écoute assidûment afin de découvrir tous les mystères du génie de M. Fiori, qui est un des principaux artisans de ce groupe Harmonium. En fait, c'est un des groupes musicaux québécois qui fut l'un des plus populaires au Québec dans les années 70, initialement formé en novembre 1972 par M. Serge Fiori, qui accomplissait la voix, la guitare acoustique, les cuillères, la flûte traversière, etc., et par Michel Normandeau, qui était l'artisan de la guitare acoustique et de l'accordéon dans cette formation. On trouvait aussi Louis Valois à la basse, qui les a rejoints en 1973. L'histoire commence quand Michel Normandeau demande à Serge Fiori de se joindre à lui pour composer de la musique destinée à une pièce de théâtre de son ami et colocataire Claude Meunier. À rien de moins. Rien de moins. Le projet est abandonné, Meunier décide de partir et Normandeau invite Fiori à loger chez lui. Comme tous les deux jouent de la musique, il commence à écrire des chansons en anglais pour s'amuser. Intéressé par une carrière musicale, il rencontre alors celui qui deviendra leur premier gérant, Yves Ladouceur, qui leur propose de chanter en français. Ce n'est que peu après qu'il les invite Louis Valois à compléter le groupe comme bassiste. La formation signe un contrat avec Quality Record en 1973 et produit en 1974 l'album éponyme Harmonium, sur lequel on retrouve là pour un instant, qui est une de leurs plus célèbres chansons, un album folk à saveur progressive. On y entend principalement les guitares et la basse avec un peu de batterie et de piano. Le groupe remporte un succès considérable au Québec, comme en témoignent aussi bien les ventes de disques, autant que le nombre de concerts qu'ils ont effectués à cette époque-là. Les titres « Un musicien parmi tant d'autres », « Harmonium » et « Surtout pour un instant » sont les plus populaires. De plus, certaines chansons évoquent les aspirations souverainistes de l'époque. Des inconnus vivent en roi chez moi, moi qui avais accepté leur loi. Eh oui. Et donc, bon, Harmonium, qui est un groupe très important dans le mouvement progressif des années 70 et un des groupes majeurs du mouvement progressif, francophone, aux côtés de géants tels qu'Ange. Progressiste francophone aussi, ça fitait dans le cadre politique. Hein? Oui, exactement, sauf que c'est pas ce que je voulais aborder comme aspect de la question. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.